Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Tania Baudin. Hey. Elle est prête à accepter n'importe quoi comme information si c'est dit d'une voix crédible. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Moi, je croyais que c'était la page véridique d'Apple, OK? Elle m'a passé... Parce que là, Mathieu fait référence à une vidéo que je viens de lui montrer, ouais. Qui est en théorie le nouveau non. iPhone 7. Qui est en joke, le nouveau iPhone 7, ouais. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé de vérifier. Oui, merci. Bon, tu vois, ouais. Je vais aux sources. Je sais que le geek ici, c'est toi. L'écran, genre panoramique, avec des pentures, tu sais. Tu viens s'élargir du iPhone pour faire un écran, genre super, super large. C'est beau. C'est bien fait. C'est très bien fait. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que le iPhone 7 va sortir et tu vas faire « Oh my God, Tania, je suis désolée. » Ça va être l'iPhone 36, 42. Ouais. Peut-être. Bref, t'as dit, parlant de bien fait. Oui. Jimmy Thibodeau. Salut Jimmy, ça va? Bonjour, ben oui, ça va bien, merci. Génial, on t'accueille comme toujours pour t'accorder que c'est dans le monde que ça se passe. Ben oui. Et on parle d'un sujet de l'actualité, mais un petit peu moins connu habituellement. Mais ben, dis-moi que j'ai tort. Là, cette fois-ci, là, parlant de sources fiables, je m'en vais vous parler des études scientifiques, en fait, tout simplement. Oui, parce que la semaine passée... si vous vous en souvenez, j'avais parlé de la qualité de notre journalisme au Québec et partout dans le monde. Les sources de nouvelles, c'est drôle, mais elles ne sont pas toutes pareilles. C'est ça. Ouais. Puis j'avais questionné la compétence de plusieurs journalistes qu'on a aujourd'hui. Richard Martineau. Mais lui, il est un chroniqueur, par exemple. Ça, c'est un autre problème. Ouais. Et je pourrais considérer que ça fait du rocher et tous les autres, mais finalement, c'est pas mal des chroniqueurs, ceux qui font de la désinformation. Oui. Quoique, dans le Journal de Montréal, tu as aussi des mauvaises nouvelles aussi, là, par des mauvais journalistes. Là. Ouais. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet de la semaine passée. Ouais, c'est ça. Donc là, je vous parle des articles scientifiques eux-mêmes, parce que oui, on a peut-être un problème de qualité au niveau journalistique, mais peut-être aussi à la source. Puis pour vous introduire à la problématique, je vais citer un chercheur qui s'appelle John Ioannidis, tout simplement. Et puis lui, mais c'est un gars un peu extrême. Hein. Il disait dans un magazine de l'Université Stanford en 2012 qu'il y a peu, 99% de la littérature scientifique n'était pas fiable. Il est là. Wow! OK. Il trouvait que le problème était à ce point-là. Et puis, on peut le comprendre aussi parce qu'il a fait, différentes recherches à ce niveau-là. Par exemple, il a fait une étude... entre 1996 et 2011. Puis tout ce qu'il y avait à faire, c'était de recenser absolument tous les articles scientifiques qui se faisaient. Alors, entre 1996 et 2011, il y a eu 25 millions d'études scientifiques qui provenaient de 15 millions de personnes différentes dans le monde. Alors, c'est sûr que quand on regarde ça, on se dit, ben, ça peut pas être juste des découvertes majeures puis fondamentales là-dedans. Là. Il doit y avoir quelque chose qui marche pas. On peut pas faire 25 millions d'études révolutionnaires en à peine quoi 5 ans. Non, ça marche pas. Il y a comme une surproduction quelque part. Et puis, monsieur Ioannidis a creusé ça un petit peu. Ce qu'il a remarqué, c'est qu'il a épluché 300 études. Puis c'est ça, il s'est rendu compte que 80% d'entre elles, il a épluché 300 études liées sur le cancer. OK, il était spécifiquement sur un sujet. Ouais, c'est ça. Et puis il a remarqué que, c'est des études qui étudiaient le lien entre le cancer et un aliment en particulier. OK. Puis dans 80% des cas, il a trouvé que le lien entre l'aliment et le cancer, c'était un lien exagéré que les scientifiques n'avaient pas nécessairement le droit de faire sur la base de leurs données. OK. Puis il a même trouvé que dans 70% de ces études-là, il y a des données qui viennent de l'étude elle-même qui vont contre la conclusion, mais qui ont été mises de côté, ignorées complètement par le scientifique. Pour que le gars puisse dire, bon, regarde, j'ai fini mon étude. C'est ça. On va arrêter de chercher, là. C'est ça ma réponse. Donc là, tu as le scientifique qui se fait un résumé de son article, puis qui oublie de mentionner les résultats qui contredisent ce qu'il veut dire, là, dans le fond. Donc, on a un super gros problème ici. Là. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est énorme, cette affaire-là. C'est comme de fausser la vérité. Ben c'est, dans le fond, oui. c'est un mensonge par omission, presque. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Et puis, ben, y a plusieurs problèmes qui sont reliés à cette situation-là, juste pour pouvoir voir que, l'ampleur de la situation. Premièrement, évidemment, il y a le financement privé. Tu sais, quand un chercheur est financé par le secteur privé, par exemple les pharmaceutiques, c'est sûr que ça peut faire... ça biaise un peu le résultat. Ça fait pencher les résultats. Et surtout pour les pharmaceutiques, c'est l'exemple qu'on ramène le plus souvent et avec raison, parce que des fois, tu as des chercheurs qui peuvent avoir des résultats qui montrent une dangerosité d'un produit pharmaceutique en particulier, mais si cette étude-là est publiée, on peut les poursuivre. OK. Ah, OK. Ouais. Donc, ça vous montre de le faire. Ça vous montre à quel point le financement privé est dangereux, mais même aussi les poursuites judiciaires de la part de compagnies pharmaceutiques qui peuvent vous poursuivre pour atteinte à la réputation, diffamation. Ouais. Ouais, donc, les résultats sont contrôlés de ce côté-là. Il y a aussi bon, le besoin lui-même de financement public et privé. Un scientifique a besoin d'argent lui aussi. Mm-hmm. Donc, il va tout faire pour avoir son financement. Il va devoir attirer l'attention, donc autrement dit. Et ça veut dire peut-être être un peu sensationnaliste à certains moments. Comme tu l'as mentionné, des grands titres de journaux vont être écrits en fonction de ton résultat. Donc, des fois, ils vont prendre juste un petit détail. Fait qu'il faut que tu rendes ça croustillant un petit peu. Tout à fait. Ouais. Et puis, il y a aussi du carriérisme là-dedans. C'est un scientifique qui veut... qui va être lu, réputé ailleurs dans le monde, ben, il faut qu'il y ait des résultats attrayants qui attirent l'attention. Mais c'est sûr que si on dit tout, les résultats qui contredisent ce qu'on veut dire, ben, c'est sûr que ça peut être moins intéressant. Puis aussi les articles, en fait, qui... ce que les scientifiques font quand ils voient une étude qui fonctionne et qui montre un lien intéressant, souvent ce qu'on tente de faire, c'est de la reproduire, cette étude-là. Okay. Par exemple, le lien entre le chocolat puis la santé cardiovasculaire. Ouais. Ben, si on montre une étude qui essaie de démontrer ça, ben, on va essayer de la reproduire. Mais chaque fois qu'on a des articles, des études qui contredisent le fait que le chocolat, ça serait bon pour le cœur, ben, on ne peut pas publier ça parce que c'est pas intéressant. C'est des articles négatifs. C'est même pas accepté par les revues. Wow. Mais pourtant, on a vu tellement d'articles passer sur genre, bon, le café va te tuer. Oui. T'sais, ou le café, c'est bon pour toi. Le vin, une fois par jour, c'est parfait. Le vin, une fois par semaine, c'est parfait. Le vin, jamais de la vie. Ouais. Tu sais, t'as tout le temps, on dirait, tu peux pas te fier sur ces études-là dans la vie. Puis les médias tombent dans le panneau à chaque maudite fois. Ben, c'est ça qui arrive, là. Le tableau, le portrait là, où on est rendu, c'est vraiment qu'on a une panoplie d'études. Plusieurs se contredisent, mais toutes veulent attirer l'attention. Alors là, on se ramasse avec un enjeu majeur de crédibilité là, auprès du public. On ne sait plus... tu sais, c'est sûr, les études ont encore une certaine autorité, mais les gens y croient de moins en moins. Donc, on croit de moins en moins à la science. Puis là, rendu là, c'est assez grave, en fait. Je me demande si c'est pas... La science, on y croit, c'est la façon que c'est rapporté dans les médias que moi, j'y crois moins, il me semble. Ben en fait, je dirais que même les articles eux-mêmes, ça marche pas des fois. Les journalistes, on pourrait même dire que c'est quasiment un téléphone arabe. T'as les données en tant que telles au début, t'as ce que le scientifique veut que vous voyez, puis t'as ce que le journaliste veut qu'on voit aussi. Fait qu'on a vraiment quelque chose qui est tout le temps déformé à chaque fois, là, ça c'est sûr. Mais les scientifiques eux-mêmes, il y a un problème, c'est clair. Puis, pour illustrer ce que je veux dire, je vais vous emmener deux cas de figure. Le cas du chocolat, comme je disais tantôt, et le cas aussi des études psychologiques, surtout par rapport au bilinguisme. Okay. Je vais m'expliquer. Les études sur le chocolat, il y en a eu plusieurs qui disaient, bon, à regarder le chocolat, c'est bon pour le cœur dans certaines situations. Mais il y en a une en particulier qui est arrivée en 2014 ou 2013, qui disait ça. Mais quand on regarde les études, quand on regarde les chiffres, par exemple, on se rend compte que l'échantillon était vraiment très petit. Et puis qu'en plus, les gens qui mangeaient du chocolat, qui étaient testés comparativement à l'échantillon témoin, là, dans le fond, ceux qui ne mangeaient pas de chocolat, ben, ceux qui mangeaient du chocolat étaient en moyenne plus sportifs, plus en forme, moins gros. Fait que c'est sûr que c'est peut-être plus leur style de vie que le chocolat qui a fait en sorte qu'il y ait une meilleure santé cardiovasculaire. Ouais. Donc, il peut y avoir vraiment des biais niaiseux comme ça dans la science. Il y a plein de pièges là-dedans aussi. tu peux avoir des corrélations entre des chiffres qui sont complètement dus au hasard. Tu peux avoir des trop petits échantillons aussi, des trop petites marges de temps, parce que si tu étudies une population juste pendant une courte période, ben c'est sûr que des fois la santé d'une personne peut fluctuer, mm-hmm. et ça ne montre pas nécessairement des liens de cause à effet comme ça. Et puis, en général aussi, une étude pour prouver quelque chose, c'est jamais suffisant. La science, en fait, comment ça marche, c'est qu'il faut plusieurs études pour appuyer, pour corroborer quelque chose, parce que sinon, ça, on peut pas prouver quelque chose de juste avec une étude. Mmh. Comme ça, ça marche pas. Donc, voilà pour le chocolat. Il y a aussi le problème du bilinguisme. On dit souvent que le bilinguisme, ça permet d'être plus intelligent à certains niveaux, mais là, en ce moment-ci, en fait, il y a plusieurs scientifiques qui remettent ça en question, qui disent que ça tient pas debout, les études qui sont pour ça, ben en fait, ils n'ont pas démontré leur point du tout. Puis il y a même d'autres études qui ont démontré qu'il n'y a absolument aucun lien. Donc là aussi, on a des études qui se contredisent. Mais le cas de la psychologie est intéressant parce que il y a une sorte de crise de la reproductibilité en psychologie. Puis ça, c'est un autre problème vraiment fascinant. En fait, il y a un article scientifique qui a déjà dit que 99% des études en psychologie ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire qu'un chercheur ne peut pas reprendre l'étude, la retester. Avec le même résultat. Avec le même résultat, exactement. Donc là, on arrive vraiment à une situation où tous les résultats qu'on a, ils peuvent pas être reproduits, fait qu'ils sont pas fiables finalement. On ne peut pas dire qu'ils représentent la réalité. Ça, c'est ça. C'est une crise qui touche vraiment la psychologie depuis... Ça a frappé vraiment intensément la psychologie depuis 2012. C'est là qu'on a comme pris conscience du problème. Donc, voilà pour la psychologie. Mais non seulement il y a tous ces problèmes-là, mais il y a aussi même des canulars des fois. Quelquefois. Mes préférés, moi, ça me divertit au plus haut point, ça. Ouais. Ben, on pense, par exemple, le plus vieux. Ben, un exemple vraiment très vieux que je pourrais donner, c'est celui des vaccins puis de l'autisme. Oui. Une étude britannique qui avait dit, je pense, dans les années 80, que les vaccins donnent l'autisme. Puis pour appuyer son propos, il avait étudié 15 personnes, je pense. Même pas. Puis son étude, vraiment, c'était un canular. Il a tout falsifié ses données pour que ça soit conforme avec ce qu'il voulait dire. Et puis finalement, ça a fait tabac partout dans le monde, cette étude-là. Mais il y en a plusieurs après, des études qui n'ont jamais été capables de démontrer de lien entre le vaccin et l'autisme. Mais quand même, on voit à quel point c'est super ancré dans la culture populaire, dans les esprits de certaines personnes. Ah, les vaccins, ça peut donner l'autisme. On a encore cette idée reçue-là aujourd'hui. Ouais. Puis on voit à quel point les études, ça peut être dangereux quand c'est pas... quand on fait pas attention aux données puis quand on n'a pas une bonne méthodologie, parce que les gens après peuvent dire plein de trucs là-dessus puis on peut faire de la désinformation de masse, puis ça, c'est dangereux. C'est ça, parce qu'en tant que tel, pour du divertissement, pour tu sais, mettons, sur le chocolat, je veux dire, en tant que tel, ouais. Bon, tout le monde en a parlé puis c'est comme très inoffensif. Là, bon, OK, on mange plus de chocolat, ça change rien. Mais quand on parle de vaccins qui pourraient sauver des vies puis que les gens ne se font pas vacciner, parce que probablement que le gars qui a fait l'étude à la base, c'est parce qu'il a peur des aiguilles puis il voulait genre que les gens arrêtent de se faire piquer, comme ça allait être bienvenu, tu sais, de pas se faire piquer. Là, ça devient dangereux parce qu'il y a des gens qui pourraient en mourir de ces affaires-là. Ben, en fait, tout à fait. Si on a des gens qui ne se vaccinent pas partout, ben, en fait, un vaccin, comment ça marche, c'est que plus tu as de gens couverts, plus une épidémie a peu de chances de se répandre. Là. Mm-hmm. Ouais. C'est comme les gens vaccinés, c'est comme un mur pour un virus ou une bactérie. Pour Donald Trump. Comme un mur pour Donald Trump. C'est ça. Ouais. Et puis, c'est sûr que si t'as moins de barrières entre les gens, moins de vaccins, ben l'épidémie peut se répandre rapidement. Et puis, c'est sûr que c'est dangereux. Puis, on peut penser, par exemple, à la rougeole. Ouais. Oui, en France, notamment, c'est arrivé il y a quelques années. Il y a eu une pandémie de rougeole parce que les gens voulaient plus se vacciner contre la rougeole. Et la rougeole, c'est vraiment une maladie grave. Oui, ça, on n'en rit pas. Là. Je peux vous le dire. On rit de Rouge FM, pas de la rougeole. La plupart du temps. C'est ça. Enfin, voilà pour les vaccins. Puis un dernier canular que je pouvais vous montrer, c'est en fait un canular fait par deux sociologues. Parce que oui, j'avais décoché une flèche contre la psychologie, mais il y a plein d'autres études, plein d'autres domaines où c'est dangereux. Par exemple, la sociologie, où tu avais... tu as une revue vraiment très populaire en France qui s'appelle Société, qui est une revue de sociologie. Et il y a deux sociologues qui voulaient rire de cette revue-là. Fait que là, ils ont fait un article vraiment bidon qui s'appelle « L'autolib révélatrice de la sociologie postmoderne ». Puis dans le fond, là, ce qu'ils disaient là-dedans, c'était... Ah, en fait, à quatre, les... Bon, en fait, c'est pas vraiment important ce qu'ils disent là-dedans, c'est vraiment... Ils ont inventé des mots, ils ont mis des mots un côté de l'autre. Puis ça, ouais, c'était du gros n'importe quoi, finalement. Et ça a passé, ça a été accepté et imprimé. Ouais, okay. Tout à fait. Ça a été mis dans la revue, puis les gens n'y ont vu que du feu. Pourtant, c'est une revue qui est supposée être... où les articles sont supposés être vus par les pairs, ouais, testés par les pairs. Mais non, on a rien fait là-dessus, fait que c'est vraiment troublant. Ça montre un peu aussi une autre facette des études scientifiques puis des articles scientifiques. Le fameux « publish or perish » de plusieurs professeurs d'université. On voit ça en sociologie, en philosophie puis dans d'autres domaines. Là. Si tu n'arrives pas à te faire publier, c'est que tu ne serviras à rien. Exactement. Ta carrière se termine. Ouais. Donc, il faut absolument que tu publies un papier. Et si tu ne fais pas ça, ben t'es fait. Il faut absolument que tu fasses quelque chose, même si c'est pas bon. Donc, voilà, ça montre aussi ce problème-là. Donc, ça fait un peu le tour. On peut voir qu'il y a un paquet de problèmes reliés aux études scientifiques. Il va falloir faire attention. Et la morale de cette histoire, peut-être, c'est prendre les articles scientifiques avec un grain de sel. Oui. Parce que vraiment, c'est ça. C'est vraiment à long terme qu'on peut voir certains faits, certaines découvertes ressortir. Par exemple, avec les études qui font des recherches sur les humains, surtout dans ce domaine-là, c'est vraiment avec à long terme là, qu'on peut voir des découvertes, pas avec une seule étude, il faut prendre ça en... Il faut avoir conscience de ça. Voilà. Absolument. Et ça fait suite à la semaine passée où on a parlé d'à peu près la même chose, mais du côté des articles en général. Ouais. Là, c'était scientifique cette semaine. Écoutez les deux, et puis après ça, regardez tout sur Internet et soyez un petit peu moins, comment dire, absorbeur d'informations et peut-être plus critique de cette information-là. Tout à fait. Voilà. Alors, l'esprit critique. L'esprit critique. Chose vraiment essentielle que j'encourage à développer. C'est parfait. Merci beaucoup, Jimmy Thibodeau. Ben, il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Tu nous éclaires sur des choses comme ça, puis je trouve ça vraiment cool. Bon, Caroline, on va-tu te dire des compliments aujourd'hui? Hey, hein? C'est bon, ça. Ah, oui. Bon, Jimmy Thibodeau, on te retrouve la semaine prochaine. C'est les mardis à 8h. Merci. Donc, nous, on va continuer en musique avec une pièce de Grimes. C'est oui. La pièce Flesh Without Blood, parce que t'as parlé de médecine tantôt puis de pipi avec du sang dedans. Ben oui. Tiens, hein? C'est des liens. C'est des liens. Oh, Grimes, The Flesh Without Blood, à Assemblage Requis. Avant de continuer avec ce qu'on disait tantôt dans la chronique de Jimmy Thibodeau, j'avais oublié de vous lire la célèbre citation de Abraham Lincoln. Ah, ben oui, celle-là. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet juste parce qu'il y a une photo avec une citation à côté. C'est tellement... Abraham Lincoln. Il est concis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le Dîner de cons un certain midi cette semaine. 35 000 $ pour une mèche de cheveux de John Lennon. Quand même, ça fait cher la perruque, ça, hein? Les Beatles ont changé la musique à jamais, mais aussi la mode capillaire. Un fan a acquis ce week-end un souvenir de cette révolution de la coiffure. Une mèche de John Lennon coupée en 1966. La mèche de la célébrité... qui avait une belle coupe bol hein, à l'époque. Donc, a été vendue aux enchères samedi par la maison Heritage Auction à Dallas, au Texas. Elle mesure environ 10 cm de long. Vous pouvez aller voir la photo, si vous voulez, sur la page Facebook du Netcon. Pardon, c'est la plus longue mèche de cheveux de John Lennon jamais mise aux enchères. C'est ce qu'a affirmé le directeur Gary Shrum dans un communiqué. Ce prix record illustre l'histoire d'amour et la fascination du monde depuis 50 ans pour Lennon ainsi que les Beatles. Le collectionneur britannique Paul Fraser a obtenu la relique, coupée en 1966 à Hambourg par un coiffeur allemand, Klaus Barock. Eh ben oui. Ici, je vous présente la margarita la plus chère du monde. Hein? Plus chère ne vaut pas dire nécessairement meilleure. Mais cela s'arrête... cela n'arrête pas certains bars qui recherchent constamment à battre des records de cocktails les plus chers du monde. Le dernier en date, c'est celui que je vous présente, la margarita des millionnaires. Des milliardaires. C'est le London Bar, le bar du London Hotel à Manhattan, qui a créé cette margarita qui se vend 1 200 $. Une margarita à 1 200 $ US, ça représente 1 650 $ canadiens le verre. Le cocktail est composé de deux alcools hors de prix, à savoir de la tequila Patron à l'alique, qui se vend à 7 500 $ US la bouteille. 7 500 $ US la bouteille, là, avec notre taux de change, du 1 300 $ canadiens et du cognac Rémy Martin Louis XIII, qui se vend, lui, à 325 $ US toujours. Donc, qui représente presque 500 $ canadiens, 445 pour être plus précis. Donc, nous avons beaucoup de clients qui sont passionnés par les spiritueux haut de gamme et qui nous demandent constamment de goûter des nouveautés. C'est ce qu'a expliqué au magazine Maxime, le directeur de la nourriture et des breuvages du London Bar, Jason Goldstein. Nous attendons à épuiser nos stocks et nous avons une quantité très limitée de Patron en Lalique série 1, étant donné que seulement 500 bouteilles ont été créées depuis toujours. Assez particulier et on peut comprendre, oui, la valeur de cette margarita. Est-ce qu'elle est bonne? Mais ça, on le sait pas. Personne n'en parle du goût, on parle juste du prix. En faillite, 50 Cent devra expliquer ses photos Instagram qui sont assez compromettantes, comme on peut dire. Ben oui, sa photo Instagram, on voit ce raisin-là assis par terre avec des piles et des piles de cash qui écrit « broke », donc qui est cassé. Pas si cassé que ça, quand même. Donc, endetté de 50 millions de dollars, 50 Cent, ce n'est pas cohérent quant à sa situation financière sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il devra expliquer les nombreux billets verts qui tapissent son compte Instagram devant le juge responsable de sa demande de mise en faillite personnelle. C'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal le 19 février dernier. Hey, sérieux, des poubelles remplies d'argent, là. Il nous met ça là, sur Internet. Donc, en effet, la justice américaine doute de la gravité des finances et du manque de transparence de Curtis James Jackson III dans le dossier. Sur le réseau social, le rappeur de 40 ans exhibe des piles de billets de 20 et de 100 $ américains disposés dans des endroits insolites. Le rythme de vie de l'artiste semble aussi effréné que lorsqu'il était mentionné par Forbes pour sa fortune. Son coffre-fort et son frigidaire Du cash, là, il y en a partout. Pour le moment, la date de l'audience n'a pas été déterminée. Les avocats de 50 Cent ont néanmoins déclaré que dans des documents déposés à la cour de Hartford, située dans l'État du Connecticut, les photos avaient été ajoutées au dossier pour ternir la réputation de leurs clients. Selon ce qu'ils soutiennent, le rappeur ne cache ses actifs, donc, mais entretient plutôt son image sur les réseaux sociaux. Il est couché dans le cash, puis du cash, ça déborde. Après, il pleure, puis il dit qu'il est en manque de cash, puis qu'il est en train de faire une faillite. Assez contradictoire, M. 50 Cent. Charon, c'est quoi? C'est la lune, la plus grande lune de Pluton, qui aurait eu un océan sous sa surface. Des images de la sonde américaine New Horizons suggèrent que Charon, la plus grande lune de Pluton, aurait eu dans son passé un océan d'eau liquide sous une couche de glace qui en s'étendant, aurait déformé sa surface. Donc, la face de Charon observée et photographiée par la caméra LORI, la Long Range Reconnaissance Imager, à bord de New Horizon à 78 000 km de la Lune, le 14 juillet 2015, est caractéristique d'un système de fractures tectoniques montrant des crêtes et des escarpements, ainsi que des vallées très profondes. En fait, cet ensemble de canyons à l'équateur est l'un des plus longs jamais observés dans le système solaire. Il s'étend sur au moins 1800 km avec par endroit une profondeur de 7,5 km. En comparaison, le Grand Canyon du Colorado ne fait que 446 km de long et avec une profondeur maximale de 1,6 km. Hein, il fait pâle figure. Le paysage tectonique de Charon montre que cette lune s'est étendue dans le passé, ce qui a fracturé sa surface. Sa couche extérieure est principalement formée de glace d'eau. Et dans sa jeunesse, cette couche était chauffée par la décomposition d'éléments radioactifs ainsi que par la chaleur interne résultant de la formation de cette lune. Selon les scientifiques, Charon aurait pu être alors suffisamment chaude pour faire fondre en profondeur la couche de glace, formant ainsi un océan sous sa surface. Mais alors qu'elle s'est refroidie avec le temps, cet océan a gelé en profondeur, entraînant une expansion de la glace qui a repoussé la surface vers l'extérieur, produisant ces vastes fractures qui sont observées aujourd'hui. D'autres lunes dans le système solaire, qui sont beaucoup plus proches du Soleil, maintiennent encore actuellement des océans d'eau liquide sous leur surface. En fait, certains de ces océans sur Europe, une lune de Jupiter, ainsi que sur Ganymède et Encéladus, des lunes de Saturne, sont considérées comme étant les meilleurs endroits pour rechercher de la vie microbienne. Alors, une histoire à suivre. Batman, je vous parle de véritables et surtout de dangereux batarangs. Des batarangs, on sait quoi, hein? Ne les prenez pas pour des jouets, ces batarangs inspirés de Batman ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. C'est un hybride entre Boomerang et Shuriken, qui est l'étoile de ninja, qui est l'un des gadgets les plus utilisés par le Chevalier Noir dans ses populaires aventures. Pour célébrer la sortie de Batman vs Superman, l'aube de la justice, qui sera en salle le 25 mars prochain, l'inventeur allemand Patrick Priebe a fabriqué des batarangs en métal. Grâce à un mécanisme au centre de ces petites armes, l'utilisateur n'a qu'à appuyer sur un bouton pour que les ailes métalliques se déploient. Il ne reste plus qu'à lancer le batarang vers ses ennemis. Patrick Priebe fabrique habituellement toutes sortes d'inventions qui fonctionnent à l'aide de laser. Il avait, par exemple, inventé un gant inspiré du super-héros Iron Man qui propulse de véritables lasers. Soyez prudents avec ce genre d'invention. Mais allez voir ça, quand même très intéressant et vraiment, ça déborde d'ingéniosité. Les sacs de plastique seront bannis à Montréal dès le 1er janvier 2018. Le maire Denis Coderre a confirmé lundi matin que les sacs de plastique à usage unique seront bannis sur le territoire de la ville de Montréal dès le 1er janvier 2018. Rappelons que la communauté métropolitaine de Montréal s'était prononcée en faveur du bannissement des sacs de plastique en décembre dernier après le dépôt des recommandations de la Commission sur l'environnement. Plus de détails à venir. Matane serait visée par Attraction Radio. Je sais pas c'est quoi Attraction Radio, mais bon. Choix Radio X n'est plus dans la mire, contrairement aux rumeurs. OK. Attraction Radio aurait acquis Choix Radio X, faux, l'entreprise montréalaise mettrait plutôt la main sur des stations de communication à Matane. OK. Communication Matane. Alors que l'animateur Stéphane Gaz affirmait lundi sur les ondes de BLVD 102, une transaction imminente entre Radio X et Attraction Média, tout porte à croire que c'est à Matane que le groupe fera des acquisitions. En effet, les médias locaux sont conviés à un point de presse prévu aujourd'hui même à 15h au 800 Avenue du Far West à Matane. Vous êtes invités à assister à une importante annonce qui sera dévoilée par Attraction Radio et Communication Matane, affirme l'invitation dont le journal a obtenu une copie. Communication Matane est propriétaire de deux stations, CHRM-FM et CHOE-FM, une entreprise qui a été fondée en 1975 par deux hommes d'affaires matanais, soit Kenneth Gagné et Roger Dion. En entrevue avec le journal il y a une dizaine de jours, le président d'Attraction Radio, Sylvain Chamberlain, avait confirmé que la transaction à venir ne touchait en aucun cas le groupe RNC Media, propriétaire d'une dizaine de stations au Québec, dont Radio X. L'entreprise montréalaise qui souhaite consolider ses actifs radiophoniques au Québec est en mode d'acquisition. Elle qui a récemment acheté deux stations à Sept-Îles. On a des vues sur tout le monde. On regarde tout ce qu'on peut acheter qui s'inscrit dans notre plan. Il concède que RNC est dans la mire, bien comme d'autres groupes, mais M. Chamberlain niait catégoriquement la présence de pourparlers entre les deux parties. Même son cloche du côté de Rénal Brière, président et chef de la direction de RNC Média, qui a martelé que le groupe n'était pas à vendre. Sylvain Chamberlain n'a pas retourné les appels du journal lundi. Alors, ça aussi, une histoire à suivre. Et tiens donc, petit dossier assez intéressant ici. Harley-Davidson et les Hells Angels, eh bien, ça fait bon ménage. Hein? Le petit-fils du fondateur de Harley-Davidson ne se plaint pas du lien entre sa marque et les Hells Angels. Même s'il ne les a pas courtisés, Willie J. Davidson croit que les Hells ont contribué à son image de marque. Il dit « C'est un phénomène inhabituel », reconnaît l'octogénaire que le journal a rencontré alors qu'il était à Montréal pour le week-end du show Harley 2016. Celui donc qui a dessiné des motos pendant près de 50 ans croit que ses plus gros modèles masculins avaient de quoi plaire à cette clientèle. C'est le cas de le dire puisque l'acquisition d'une moto Harley-Davidson est l'une des premières obligations pour tout membre en règle des Hells Angels. Son fils, Bill, qui est vice-président du marketing chez Harley-Davidson, croit que sa marque a toujours eu un côté cowboy. Selon lui, l'intérêt des Hells Angels lui a permis d'être vu comme un moyen d'échapper à son quotidien au guidon d'une moto. Hein, le côté rebelle aussi. Harley-Davidson, ça a toujours été attrayant pour les gens qui ont un côté plus rebelle, exactement. C'est ce qu'ajoute, quant à elle, en riant, sa fille Karen, directrice artistique de chez Harley-Davidson. Elle dit qu'elle ne porte aucun jugement sur ses clients. Willie J. Davidson était venu montrer à ses enfants le show Harley à l'auditorium de Verdun, un événement tout à fait unique au monde selon lui. C'est comme un spectacle de Broadway, mais pour les motos. Pour le spectateur Willie J. Davidson, c'est comme le pape, assure le producteur et fondateur du show Harley, Richard Greff. Peu de marques peuvent se vanter d'avoir leur logo tatoué sur des clients, poursuit-il au sujet de la grande admiration, du culte même, voire que vous, certains passionnés de Harley-Davidson. Le défi maintenant pour cette entreprise qui a su conquérir le cœur de nombreux baby boomers, c'est d'attirer les jeunes. C'est ce que tente de faire Billy Davidson du marketing avec ses modèles tout noirs, plus compacts et un peu moins chers. Cependant, pour Willie J. Davidson, troisième génération de créateurs, trois mots doivent résumer une bonne moto. L'allure, le son et la sensation. Si Harley-Davidson suit ses conseils, dit-il, les clients seront toujours au rendez-vous. Belle nouvelle quand même, dans un monde qui n'est pas le mien, mais pas du tout. Tiens donc, on va aller en musique avec notre ami David Bowie. La pièce que je vous propose est bien tirée de l'album éponyme, hein, Black Star. Je vous présente Black Star. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod sacred ground, he cried loud into the crowd. I'm a black star, I'm a black star, I'm not a cancer. I can't answer why. Just go with me. I'm a film star. I'ma take you home. I'm a black star. Take your passport and shoes. Your sedatives move. I'm a black star. You're the flash in the pan. I'm a marvelous star. I'm the great I am. I'm a l'excellente et mystérieuse Black Star du mystérieux artiste David Bowie qui nous a quittés. Vraiment un opus extraordinaire. Cette pièce-là est planante. Elle a tout ce qu'il faut. Assez fucked up, des côtés de musique sacrée, des côtés de musique électro, du rock. Ça se promène vraiment de tous les côtés. La musique classique elle est représentée là-dedans. Vraiment, tout un projet, cet album Black Star de David Bowie. Vous êtes bien dans Dîner de cons? Eh bien oui, on continue nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Je vous parle de Batman qui déstabilise Superman dans la bande-annonce version finale. La dernière bande-annonce donc est sortie. Une semaine après son arrivée surprise sur le web, la superbe bande-annonce finale de Batman versus Superman passe en version française via un doublage français plus que convenable. Le film de Zack Snyder est attendu pour le 23 mars prochain, soit dans à peine plus d'un mois. Sortie de nulle part la semaine dernière et bien plus alléchante que la précédente, la bande-annonce finale de Batman versus Superman ne nous avait pas déçus. Au menu du Batman et encore du Batman, du Superman et une pincée de Wonder Woman, voilà ce qui devrait plaire aux détracteurs de Doomsday. La voici, je vous la pose. On se contentera d'ajouter que le film de Zack Snyder sortira le 23. OK, on nous dit pas qu'est-ce qui fait que Batman s'en sort, déstabilise Superman, un peu plate ici, ben oui. Mais en tout cas, vous irez voir, je l'ai mis en lien, cette bande-annonce. Je peux la regarder comme ça, mais en tout cas, allez voir ça, parce que ça va frapper, et puis on va en entendre parler beaucoup quand même. Hein? Batman et Superman, c'est loin d'être les derniers arrivés en termes de super-héros. Alors, allez voir ça, j'avoue que ce Batman en met plein la gueule. Et il faut rappeler, hein, Batman, c'est un homme qui est simplement habile au combat corps à corps et qui est rempli de gadgets qui l'aident à réussir ce qu'il veut. Tandis que Superman, eh bien, c'est un extraterrestre qui a des pouvoirs lui-même, à l'intérieur de lui-même. Il est rempli de promesses et rempli de pouvoirs, rempli de forces, sauf le Krypton hein, qui l'empêche de pouvoir utiliser ses fameux pouvoirs. En tout cas, vous irez voir ça, effectivement. Batman n'a pas l'air de s'en laisser imposer. Allez voir ça, c'est le plus grand combat des gladiateurs de l'histoire. Donc, l'homme contre l'extraterrestre, on pourrait dire, le jour contre la nuit. Hein? Allez voir ça, bien intéressant cette bande-annonce. Ici, toujours à aller voir, des trucs à aller voir, c'est une vidéo qui vous donne la preuve que les pilotes d'avion, les pilotes de ligne, eh bien, méritent très bien leur salaire. Un pilote de ligne s'est frotté jeudi à de fortes bourrasques au Portugal pour finalement poser son avion dans une relative douceur. Selon Mail Online, les vents soufflaient à près de 80 km/h. Les images diffusées par Ripley TV montrent d'abord un appareil qui parvient à se poser en dépit du fait que le train arrière touche terre en premier. On y voit ensuite d'autres avions qui tentent d'atterrir pour finalement remonter. Toujours d'après Mail Online, deux accidents, dont un important écrasement en 77, ont entraîné le prolongement de la piste d'atterrissage de l'aéroport Funchal, une portion d'un kilomètre qui a été rajoutée à la piste en 2000 sur des piliers installés en pleine mer. Et effectivement, imagine juste pour vous, tout seul, se poser comme ça, ça va être d'un stress inimaginable. Mais imaginez quand vous avez 300 personnes à bord, comment le stress est encore plus grand. Premier mannequin de 56 ans dans l'édition maillot du Sport Illustrated. Quand même, hein, une avancée, ça c'est clair. Donc, Nicola Griffin a prouvé qu'elle n'avait rien à envier aux jeunes femmes dans la vingtaine dans l'édition maillot de bain du Sport Illustrated. En effet, la femme de 56 ans participe à la nouvelle campagne publicitaire lancée par le magazine en collaboration avec l'entreprise Simsuit for Hall, aux côtés d'Ashley Graham et de Philomena Kwao, toutes deux des mannequins taille plus. Donc là, dans le prochain Sport Illustrated, en plus de briser les tabous hein, du taille plus, des filles un peu plus rondes, et pas seulement des petites filles maigrichonnes, eh bien, on s'en va avec des femmes d'âge mûr, donc 56 ans, c'est quand même bien. L'objectif de cette initiative est simple, faire la promotion de la diversité corporelle, de véhiculer une image plus positive et réelle de la beauté. Là, moi, je fais une petite pause. C'est clair que avec les baby boomers qui vieillissent et qui sont en train de disparaître un après l'autre, eh bien, La mode change et puis les... comment je pourrais dire? Les intérêts des grandes compagnies hein, à vous séduire, eh bien, changent aussi parce qu'ils savent que vous changez, vous vieillissez, vous voulez voir un moment donné du monde qui vous ressemble dans les revues. Hein. Si le monde était peuplé simplement de jeunes et jolis jeunes hommes et de jolies jeunes filles, les Sports Illustrated, ils montraient pas du monde qui sont plus gros puis qui sont plus vieux. Ça, c'est sûr. Mais comme la population est de plus en plus vieille, hein, on vieillit et puis on ramollit, on grossit, on arrondit, comme on dit, on n'a pas le choix. S'ils veulent continuer à vendre autant de la guenille avec les bikinis que du papier avec leur revue, ils n'ont pas le choix de un peu s'en aller du côté de la réalité un peu des gens. Hein? La maman donc de deux enfants confie toutefois qu'elle a l'impression d'avoir 80 ans lorsqu'on lui pose l'étiquette de la plus vieille à avoir participé au numéro spécial. Par contre, elle n'échangerait pas sa place avec personne puisqu'elle contribue à faire changer la perception des gens sur la définition de la beauté. Elle dit « Je n'ai pas 20 ans et je ne mesure pas 5 et 10, ça devient lassant. Il y a des femmes de tous les âges et de toutes les formes et c'est ça la beauté de vraies femmes. » Nicolas Griffith espère sincèrement que les standards de beauté véhiculés par l'industrie de la mode vont finalement évoluer. Chaque fois que des filles feuillettent des magazines, elles ne peuvent pas s'identifier aux mannequins qui succèdent les pages et de page en page. C'est comme ça. Effectivement, le maillot, il y a un commentaire qui nous dit « Je n'aime pas le maillot ». Effectivement, le maillot n'est pas très, très joli. Là. C'est un maillot or. Ça fait quand même dame d'un certain âge, ça c'est sûr. Mais quand même, bon, ça, je suis pas là pour discuter les goûts de la mode de Sport Illustrated. Mais quand même, bien intéressant et tant mieux si on peut ouvrir un peu nos horizons. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Seigneur Baudin qui baille. Oui, hey, je suis fatigué. Alors que Sébastien F. Gertin fait ses exercices de bouche parce qu'il revient tout juste de l'extérieur, tellement frisquet. Hein? Donc le voici, Sébastien F. Gertin qui, comme toujours, n'a pas le droit de parler avant que son intro est joué. Et c'est le bulletin Gertin. C'est pas Mathieu, c'est toi qui faisais ça. C'est moi ça. C'est ça. C'est rendu que tu fais exprès de dire quelque chose pour me, comme pour me faire parler juste avant. Puis tu fais exprès, genre, t'attends pas que j'aie le temps de répondre. Puis tu dis ça. Donc, il a pas le droit de parler avant son intro. Mais tu le vois dans sa face. Exprès. Dans sa face, il dit genre, non, je parlerai pas là. Je me retiens. Ben, je pense qu'il faudrait que tu réévalues tes critères là-dessus. Parce que c'est rendu que tu me laisses même pas le temps de faire une face. Oh. Mais bref, ta face dit tout, même si tu n'as pas l'intention de la faire. C'est vraiment pratique à la radio, ça, d'ailleurs. C'est comme un livre ouvert, c'est ça. C'est comme à la radio les jeudis à 13h, heure de l'Est. Exactement. Tu fais tout le temps ça avec Lucas Hubert. Exactement. C'est ça, des faces à 13h le jeudi. Heure de l'Est. Rediffusion le samedi à 9h. C'est ça. 11h, non. 10h, heure du Pacifique. Ouais, non, en fait, vraiment. Ceux qui écoutent sur la côte ouest. Sur la côte ouest, c'est pas mal plus qu'une heure, là, de décalage. 3h. C'est 3h. C'est j'ai dit 10h du matin. T'as dit 10h? C'est 9h. On passe à 9h, heure de l'Est. Anyway, on n'est pas là pour parler de ça matin. Ah oh non? Mais non. En tout cas, bref. Hein? Non, 13h, moins 3. Non, on l'a fait la semaine dernière, ouais, je pense. 10h du matin, heure de l'Ouest. Bref, finalement, Sébastien Viertin, t'es là pour nous parler de ta chronique d'actualité. Oui. Et un sujet, j'imagine que tu as choisi de façon très, très pointilleuse. Oui. Directement sur le bobo. Exactement. Sur la gale. Exactement. On va aller gratter des. Non, c'est pas vrai. Ce matin, bon, on a eu. On a eu pendant 2 ans de gouvernement Couillard, on n'a pas eu de remaniement ministériel beaucoup. Sauf en fait sauf le jeu de chaise musicale avec le ministre de l'Éducation qui a changé. Bon, il y a eu Bolduc au début. Bolduc s'est mis le pied dans la bouche à répétition. Le tassé, on a mis M. Blais à la place. Puis là, on a finalement eu un beau remaniement ministériel au retour des fêtes qui a comme tout brassé les affaires. Parce que, bon, il y a des choses intéressantes là-dedans. On en a parlé pas mal de toute façon à l'époque. C'est, en fait, j'ai dit au retour des fêtes, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait juste quelques semaines. Puis à l'éducation, on s'était retrouvé avec Pierre Moreau, monsieur job de bras du gouvernement, ben en fait, même sous le règne Charest aussi, c'était quand on voulait faire des trucs difficiles dans un... des choses qui passeraient pas bien avec la population, on envoyait Moreau à ce ministère-là, puis lui, il s'en occupait. Fait que c'est pour ça, dans le milieu des tripeux un peu de politique québécoise, on l'a un peu surnommé le gars des jobs de bras. Ah. Là, M. Moreau est malade, apparemment même qu'il aurait un cancer. Ouais. On le sait, quand il a été nommé ministre de l'Éducation, il a même pas pu se présenter pour être assermenté parce qu'il a fait un malaise. À l'époque, on ne savait pas trop c'était pourquoi. D'ailleurs, c'était pas la première fois qu'il y avait des problèmes de santé, mais là, apparemment que ça serait un cancer. Bref, c'est pas pour parler de son état de santé que je vous parle de ça ce matin. Longue introduction pour dire qu'on a eu finalement, on a re-eu un petit brassage de ministres qui, ma foi, comme l'a dit Vincent Marissal hier dans la presse, est quasiment plus intéressant que le gros brassage de ministres qu'on a eu il y a quelques semaines. Pourquoi il est plus intéressant? Bon, premièrement, puis moi, il y a un truc en particulier, j'ai commencé avec l'éducation, c'est pas pour rien, mais truc intéressant, on a créé une espèce de nouveau super ministère qui est le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, famille, loisirs, sport, tout ça, puis on a donné ça à un ancien caquiste, Sébastien Proulx, notre ancien député de Trois-Rivières. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est un ancien d'ici. C'est un ancien de l'ADQ, en fait. J'ai dit caquiste, mais c'est ça, c'est un ancien, il a été le député de Trois-Rivières là, lors de la vague turquoise au début des années 2000. On a dit ça pour vrai, la vague turquoise? Non. OK. Je viens de l'inventer. C'est rétroactivement, c'était une vague turquoise. J'ai maintenant la propriété intellectuelle de ça. Dans vos dents, ceux qui ne croient pas à la propriété intellectuelle. Ouh. Oui, je parle de Lucas. Bon. J'ai eu 13 ans. Donc, c'est ça. C'est déjà intéressant, ce nouveau ministère-là, parce que là, on fusionne. Bon, il y avait... Depuis longtemps, on avait un super ministère, là, l'éducation, loisirs, sport, tout rentrait là-dedans. Mm-hmm. Là, on a rajouté la famille là-dedans, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on se dit, bon, ben, c'est quand même une bonne idée pour avoir une vision intégrée, mettons, des enjeux de la famille, parce que la famille a des enfants, les enfants vont à l'école. Bon, loisirs, sport, là encore, le lien, je dirais qu'il est quasiment plus ténu, même s'il avait été fait avant, mais il y a quand même un rapport, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est déjà intéressant. On a rescindé d'ailleurs l'éducation en deux, c'est-à-dire que là, maintenant, on a un ministère juste pour l'éducation supérieure, c'est-à-dire collégiale universitaire, ce qui est merci beaucoup. Ça a du sens pour toi. Là. Ça a du sens en tabarouette, parce que, comme je disais, le fameux ministère là, de l'enseignement, bon, de l'éducation, je ne sais pas exactement, je me rappelle plus c'est quoi le terme qui a été utilisé, mais en tout cas, on va dire de l'éducation obligatoire, parce que primaire, secondaire, c'est ça, là, c'est l'éducation que théoriquement tout le monde est supposé d'avoir. Le reste, c'est du facultatif. C'est ça, il n'y a pas tellement de rapport entre les deux, on va se le dire. T'sais, justement, le primaire-secondaire, c'est obligatoire. C'est une formation de base, ainsi de suite. Tandis que collégial et universitaire, ben, c'est de l'éducation qu'on va dire bon, supérieure, ainsi de suite. Il y a la recherche aussi qui rentre là-dedans. Le statut des professeurs, des professeurs, c'est pas la même chose que des enseignants au primaire. Ils ont peut-être un rôle... En quelque part, les enseignants primaires aussi, c'est des professionnels, mais ce rôle-là est quand même... Cet aspect-là est encore plus fort à l'université et au cégep. Ils ont vraiment une sorte d'indépendance, une espèce d'expertise, mettons, entre autres l'expertise de contenu, qu'au primaire ou au secondaire, ben oui, tu as des profs spécialisés dans certains domaines. Il y a des profs de maths au secondaire, il y a des profs de sciences humaines, ainsi de suite, mais les profs de cégep et d'université sont vraiment spécialisés sur un domaine, puis c'est en vertu de cette spécialisation-là qu'ils enseignent et non en vertu d'une formation pédagogique. T'auras pas le prof d'éducation physique qui enseigne la biologie comme Tania m'avait dit. Ouais, c'est ça. Mais c'est, en fait, malheureusement, là, je parle de grands principes, mais malheureusement, ça arrive présentement des profs de biologie, puis en fait, ça arrive depuis un certain temps même. Des enseignants au secondaire qui... doivent combler des postes. Ouais. Combler des postes. Dans le fond, l'école, au lieu d'engager un prof spécialisé dans le besoin qu'ils ont, mais de l'engager, mettons, à temps partiel, ben, ils vont comme donner des heures de tout ça à un prof qui est là, mais que c'est pas sa spécialité. Un exemple, puis c'est pas, on parle des compressions budgétaires dernièrement, c'est pas nouveau que ça se fait, ça. Moi, parce que j'étais allé au secondaire, j'ai eu un professeur d'éducation physique 2 ans de suite qui était en fait formé comme historien. C'est un prof d'histoire à la base. Moi, mon prof de biologie, c'est ça que j'expliquais à Mathieu, mon prof de biologie était à la base un prof de maths. OK, OK. C'était moins pire que l'éducation physique. Quoi ben, qu'il y a géré contre les profs d'éducation physique. En fait, c'est drôle parce que j'ai eu en bio de secondaire 3, c'était un prof d'éducation physique qui me l'a donné. Mais lui, il avait fait des cours là-dedans. C'est à ces professeurs-là qu'on va donner ces postes à combler-là parce qu'il y a moins de cours d'éducation physique que tout autre cours. Donc, d'aller combler son horaire en tant que mettons, c'est pas la même chose que, mettons, le chef cuisinier de Tiki Ming qui est le gars de Express. Au moins. Parce qu'ils ont, le chapeau de Tiki Ming puis l'ensemble de Taille Express. Ça donne... c'est pas pour rien qu'on va pour Taille Express. Excusez-la! Mais donc là, on parlait de primaire, secondaire, mais c'était pas pour en venir là. C'est que là, on a une ministre de l'Éducation supérieure. Ça, d'ailleurs, la dernière fois que ça avait été fait, c'était sous le court règne de Pauline Marois en 2013. On avait eu M. Duchesne comme ministre de l'Éducation supérieure. Puis moi, je suis assez critique du PQ en général, mais lui, je l'haïssais pas. Je l'haïssais pas. C'était comme... Tu sais, je pense qu'il peut faire la job. D'ailleurs, c'est rendu le leader parlementaire du PQ. À date, ça fait plus de troubles que d'autres choses. Mais bon, le PQ, quand on parle d'eux autres, on parle rien que des problèmes. On parle pas de quand il se fait de quoi de bien. On lui donne une chance, quand même. Critique, pas critique, c'est ça. Souvent, malheureusement, on parle plus des chicanes du PQ que de ce que le PQ fait vraiment. Ouais, c'est vrai. Bon, PQ bashing. PQ bashing, ouais. Non, mais on dirait que c'est un peu dans la culture de dire « Ah, le PQ, il se pogne tout le temps, t'as autres. » Je veux dire, moi non plus, je suis pas un gros. Je suis pas nécessairement le plus grand fan du PQ, mais des fois, on va peut-être un peu trop loin là-dedans. Tu sais, dans PQ, il se pogne le cul aussi. Se pogne le cul. C'était pas ta meilleure. Non, merci. Ça, c'est l'avantage, je savais pas de ça. Mais je parle beaucoup depuis tantôt. Hein, j'ai l'impression d'avoir un débit, ma foi. T'as l'impression d'être à la sortie de secours. C'est ça, je me suis pas pris de tête. D'habitude, à la sortie de secours. J'ai du trésor. D'habitude, je me prépare comme des notes. Puis tout, quand j'ai ici, en général, j'y vais plus. T'aimes ça avec pas de casque ici? C'est ça, avec pas de casque, oui, effectivement. D'ailleurs, je mets pas mes écouteurs quand je viens ici. Non, c'est pour ça le gag. Au début, il faisait. Oui. Mais il ne le fait plus. Et il est trop diverti par sa tellement magnifique chanson thème. Exactement. Exactement. Non, mais sérieusement, moi, ça m'empêche de me concentrer. Vous remarquez qu'on n'a pas de fond musical sur nos chroniques à la sortie de secours. Et sur ma coque ici, on n'a jamais pas de fond. Et que si les gens n'aiment pas ça, ben quand... Au moins, moi, je me dis que si les gens n'aiment pas la chronique, ben ils écouteront le fond. C'est ça. C'est très bon, c'est Black Keys. Mais trêve de plaisanterie. Ça va devenir déplaisant, non, c'est pas vrai. Ah ben. C'était pour parler, je trouvais ça intéressant parce que la nouvelle ministre de l'Éducation supérieure, donc notre ministre responsable de l'université, c'est Hélène David, qui est l'ancienne ministre de la Culture. Mm-hmm. Puis là, on se disait, tu sais, le ministre de la Culture, Hélène David, bon, on se dit, tu sais, ça a l'air, puis premièrement, on va le dire, c'est la sœur de Françoise David de Québec solidaire. OK. Mm-hmm. Tan-tan-tan! Oh. Elle est partie de Noël, elle doit être la fun là-bas! Ouais, puis ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que leur papa à ces deux dames-là, c'était un politicien aussi, c'est un sénateur, et devinez pour quel parti? PQ, non, je sais pas. Conservateur! Oh my famille God! Famille de fucké! Oui. Fait que effectivement, les partis de famille devaient être, ma foi, assez magnifiques. Puis probablement qu'apparemment que les deux sœurs s'entendent assez bien, même qu'avant de faire le saut en politique, Hélène David a fait des dons à QS. Elle s'est fait un peu critiquer pour ça d'ailleurs quand elle s'est présentée pour le Parti libéral la première fois, mais elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle dit ben elle s'implique pas en politique à ce moment-là, puis elle se dit sa sœur a le courage de fonder un nouveau parti. Mm-hmm. D'ailleurs, parti très à gauche qui est un peu à contre-courant de tout ce qui se fait au Québec présentement. Elle s'est dit bon, je vais l'encourager un peu. Ouais. C'était plus. Ça devait pas être un énorme don. Il y a un maximum au nom de. De toute façon, c'est ça. De toute façon, c'est sa sœur. Elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est pas comme certains autres chefs de parti présentement qui ont déjà donné à toutes les partis qui étaient. Qui ont entre autres donné aux conservateurs puis ainsi de suite, alors qu'ils sont un peu plus à l'opposé de ça. Pour t'attirer leur faveur, quoi. Ben, entre autres. Oui. En fait, c'est plutôt que c'est un signe que tu vas dans des événements organisés par. Oui. Mais dans le cas d'Hélène David, je pense que c'est assez facile de dire que ben, c'était pour aider sa sœur, Caroline. T'sais, en plus, c'est un parti qui n'a pas beaucoup d'argent puis qui rejoint beaucoup moins. D'ailleurs, c'est le gros défaut de QS, que c'est très, très montréalo-centriste. Oui. Donc, on s'entend, ils n'ont pas la même base de financement que d'autres grands partis, comme le Parti libéral ou le Parti québécois. Mais bon, tout ça pour dire que, d'ailleurs, c'est intéressant de voir Hélène David revenir dans ce qui ressemble un peu plus, parce qu'elle, presque depuis qu'elle a été élue, était ministre de la Culture et des Communications. Excusez-moi. Qui est un ministère, tristement, de femmes, entre guillemets, parce que ça l'a... tu sais, on se dit de la culture communication, tu sais, les arts, les, ces, mm-hmm. ces choses-là. Fait qu'on disait qu'on on considérait tout le temps ça comme un poste un peu moins important. Or, Mme David a quand même un CV assez pas pire. Elle a été vice-rectrice de l'UDM, entre autres. Elle a enseigné pendant longtemps à l'université. Elle, à la base, elle a un doctorat en psychologie. Donc, elle revient... Elle a enseigné, elle a fait de la recherche dans ce domaine-là. Puis là, elle revient un peu plus à ce qu'elle connaît. T'sais. Puis là, on a dit, ben, François Blais, c'était un peu sur la même base qui s'est retrouvé ministre de l'Éducation. Mais pourquoi pas, en fait? Parce qu'il y a eu une grosse mode d'avoir des ministres de la Santé qui étaient des médecins. Puis depuis qu'on s'est mis à faire ça, d'ailleurs, Philippe Couillard a été un des premiers, je crois, à l'époque, quand il était ministre de la Santé sous le règne Charest. C'était la grosse affaire. Finalement, un médecin ministre de la Santé. Avant, c'était plus des gestionnaires qui se retrouvaient ministre de la Santé. Pourquoi est-ce qu'on surprend encore que le ministre de l'Éducation ou la ministre de l'Éducation supérieure soit un universitaire? Puis là encore, ça met en relief les inadéquations de François Blais comme ministre de l'Éducation. C'était par rapport à toutes les questions qui touchaient l'éducation, la formation générale, ouais. Primaire, secondaire. J'ai tout le temps le réflexe d'aller dire l'éducation inférieure, mais en fait, c'est pas du tout un bon mot. Non. C'est très important, ouais. L'éducation. L'éducation de base. C'est ça, l'éducation de base, l'éducation obligatoire. C'est ça. On s'entend, les déboires de François Blanc en tant que ministre de l'Éducation, ça a été avec le primaire et le secondaire, ça a été les commissions scolaires, ça a été la vétusteté. L'état vétuste, on va dire. L'état vétuste des écoles, particulièrement à Montréal. Mais on s'entend, c'est pas rien qu'à Montréal qu'on a le problème. Là. Ça a été toutes ces choses-là. Ça a été peut-être une attitude, un brin paternaliste avec tout ça. Ça a été différentes choses, mais on s'entend, ses principaux problèmes ont été beaucoup plus avec l'enseignement primaire-secondaire qu'avec l'enseignement supérieur, où ce que... Bon, François Blais, c'est un prof, c'est un prof d'université de carrière, c'est un chercheur. Il a même déjà tenté de se retrouver recteur de l'Université Laval. D'ailleurs, il n'avait pas été élu, mais ça reste qu'il a quand même fait la course. Donc, on s'entend, mm-hmm. Il y avait quand même un peu le CV pour backer cette candidature-là. Même si je ne connais pas son CV par cœur. Mais bon, là encore, très le fun de voir Hélène David. Très le fun, bon, là encore, on ne peut pas être contre la vertu. C'est le fun d'avoir une femme à un poste important, parce que je crois que l'éducation supérieure, c'est un poste important. On espère d'ailleurs que Mme David va prendre plus au sérieux, va peut-être amener un peu plus de sérieux là-dedans. Parce que, bon, depuis l'élection du PLQ, on se fait dire « Ah oui, l'éducation au Québec, c'est important. » Puis, c'est la priorité de la société. Puis, les bottines ne suivent pas les babines à ce sujet-là. Ouais, hein? Malgré le fait qu'apparemment que je vais utiliser le terme qu'eux autres utilisent. Là, j'ai pas le goût d'embarquer dans la sémantique à matin, mais... Malgré le fait que la rigueur budgétaire est terminée, qu'on est rendu, comme disait Philippe Couillard, dans les eaux tranquilles, ben on annonce quand même des coupures dans les universités. Fait que l'éducation, c'est important. L'éducation, c'est une priorité. Mais... On veut pas le savoir, on veut le « voir », ouais. Comme disait Yvon Deschamps. C'était Yvon Deschamps qui disait ça? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Ça me semble que Yvon Deschamps. Donc, on espère, on se dit que Mme David va peut-être ramener un peu plus de sérieux là-dedans. Va peut-être éventuellement incarner les bottines qui suivent les babines. Tu ramènes des vieilles expressions, c'est comme le petit linge. Ouais, c'est ça. Chez les vieux. Ça me semble que ça voulait dire, ouais. En ronde, on a parlé de petit linge. C'est ça, mais ceux qui me demandaient, qui me parlaient de petit linge, puis j'étais, pourquoi tu me parles de bobette? Je parle du petit linge pour laver les lunettes. C'est ça. Ouais. Parenthèse. Anecdote. C'était la première de la chronique. Incroyable. C'est effrayant. En fait, non, c'était pas la première. On a fait une autre tantôt à propos de nos profs de bio. Vous avez raison. Et des autopromos de son émission. Toujours. Je pense que c'est les autopromos comme des parenthèses maintenant. Oui, oui, oui. Je pense que c'est rendu un running gag, cette affaire-là. Ouais. Ben, c'est, je trouve, un des meilleurs running gags. Ouais. Running gag qui va d'ailleurs être répété jeudi 13h. Ah, sur les ondes de C'est fou. Mais tu vas faire le contraire. C'est ça le pire, c'est que dans ce temps-là, c'est vraiment, je le plug très très vite à la fin de l'émission, puis là, Lucas essaie de me couper la parole parce qu'on on a fini notre temps, dans le fond. Tu te coupes la parole par Lucas, t'es vraiment persécuté, hein, je te coupe la parole, il te coupe la parole. Tu me coupes pas trop la parole. Tu m'as dit tantôt, la première affaire que t'as dit au début de la chronique, c'est que je te coupais la parole. Ah oui, c'est vrai, avant. La première affaire. Avant que je commence ma chronique, une fois que je suis parti, tu me coupes pas la parole. Ok, non, mais je te laisse. T'as pas ça, t'es pas si peu que ça. Calme-toi, Mathieu, t'es pas si peu que ça. Tombe sous poulet. On dirait Yvon Deschamps. On dirait que tu monologues. Et des fois, il faut que je coupe la parole avec des mauvais gars. C'est vrai. T'as bien raison. C'est j'avais pas beaucoup de... Des fois, j'essaie d'avoir des sujets plus légers. On dirait qu'à matin, c'est pas un sujet lourd, c'est pas un sujet léger non plus. C'est un sujet important et instructif. Voilà. De base. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en tant qu'universitaire, des fois, au Québec, on se sent un petit peu mis de côté, tu sais. Comme, justement, comme je disais, on se fait dire « Ah, l'éducation, c'est important, un projet de société, nanana, le futur, tout ça. » Puis après ça, ben on a des classes vétustes. Nous autres aussi, comme au primaire, au secondaire, ça finit pas. Le teen drama finit au secondaire, mais pas les classes. Ouais, c'est ça. La dramatique de CW continue très longtemps. Oui, oui, oui. Comédie pour l'adolescent. J'ai essayé de chercher l'adjectif de vétuste. Vétusté, c'est comme pas vraiment l'adjectif. C'est plus lorsque c'est quelque chose est vétusté, comme ça devient vieux. C'est vétusté. Mais quelque chose est-il vétusté, comme dans... Quelque chose est vétuste, L'état de la chose. L'état de la chose. Commun qui désigne la chose. Voilà. Est-il... On fera une recherche, on prend les appels. Ouais, c'est ça. Mais ça vient du latin vetustas, dérivé de vetus, vétéris, âgé ou vieux. Bon. Ben, c'est le cas, je veux dire. On a des classes à l'UQTR présentement que, bon, on se faisait dire, oh, l'université, on peut couper encore, puis tout, mais tu sais, on a des classes que les l'UQTR a été fondé à la fin des années 60, puis on s'entend qu'on a des tables et des chaises à des places dans l'université qui datent clairement de cette époque-là. Ouais. Je veux dire, il y en a des traces de fesses là-dessus. Des traces de fesses. Ouais, tu t'assois dans les traces de fesses de quelqu'un d'autre. Il y a du petit linge qui est passé, là-dessus. On espère qu'il y avait d'autres vêtements entre les deux. J'espère aussi. Quoi qu'à l'université, on ne sait jamais. C'est ça. Puis, c'est quoi? Il y avait le carnaval aussi, ça fait longtemps que ça a lieu. Yeah. Le petit linge, c'est les sous-vêtements. Tu as les combines, puis les combinaisons. Ben ça, c'est une sorte de sous-vêtements. C'est une catégorie. C'est quoi? Ça rentre dans l'ensemble. Ouais. Les pantalons, les pantaloons, comment t'appelles ça autre que ça? Les pantaloons. Je sais qu'il y a des... Ouais, en anglais, pants, ça vient de pantaloons, tu sais ça? Non. Je te jure. C'est pas les jokes. Colin. Je te jure. Hey, on apprend des choses à l'assemblage requis, c'était ça. Mais t'as les par-dessus, tu sais? T'as des claques pour les bottes? Oui, les claques. Les claques, ben oui. Mais ça, j'avoue que je sais pas comment que t'appellerais ça, sinon. Mais si tu prends tes clics pis tes claques, les clics, c'est quoi? Ça, je veux savoir. Tes clics pis tes claques? C'est quoi les clics? Tes clics, ben d'habitude, des clics, c'est les groupes de gens qui tournent autour de toi. Peut-être ça. Ta clique. Tu prends ta clique pis tes claques. Ouais. T'amènes tes gens pis tes trucs qui protègent tes souliers. Ok. C'est ce qui est important. Identique et tac, qui est tic, qui est tac. Ben, ça, je pense que c'est vraiment littéralement. Les clics seraient des jambes. Des jambes? Ouais. Tes jambes puis tes par-dessus de bottes. C'est une expression qui date de 1830. Les clics désignaient les jambes et les claques des sandales de protection. Wow. On avait une chronique avant sur l'explication des beaux proverbes. Ça manque. Mais si on rassemble ses jambes et ses chaussures, c'est pour partir. Voilà. Ouais. Donc, on prend ses clics et ses claques. Moi, je m'en allais dire, arrêtez de googler des affaires, laissez-en un peu à mon successeur tout à l'heure. Il n'est pas là aujourd'hui. Fait qu'on Google. On se permet de googler à sa place. On est obsédé par le Google depuis qu'il y a sa chronique. Oui, ah ben ouais. Avant, on n'avait jamais utilisé ça, on était sur Yahoo. C'était fourrette. Et tabarouette. ça ne devait pas être si fourrette que ça, ça devait être long. Est-ce que c'est une parenthèse dans ta chronique ou t'avais fini? C'était non, j'avais pas nécessairement fini. Ok, me semble. Je vous restais un peu de conclusion. Honnêtement, comme j'ai dit un matin, c'était comme une semi-chronique avec podcast, pas de casque. Je me suis fait dire, un des commentaires que j'ai reçu, c'est quand je disais avec podcast, les gens pensaient que je faisais un podcast. Une balado diffusion de ma chronique. Non, c'est pas ça. C'est avec pas de casque. Dans le sens de, tu sais, quand on dit qu'on fait du vélo avec podcast, c'est-à-dire qu'on prend des risques. C'est comme le groupe de musique avec podcast, ça vient de là. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait aussi dire que attachez votre sucre avec la broche, parce que c'est pas... C'est vrai. Et c'est littéralement parce que tu mets pas d'écouteurs quand tu fais ta chronique. Tout est bouclé, là, c'est tellement beau. Tout est pensé, tout est systématique. C'est effrayant. Incroyable. C'est le fun. Non, ça pour finir, dans le fond, pour les gens qui ont pas écouté le début, parce que là, ça commence à sembler nébuleux de quoi je parlais un matin. Non, ce n'est pas une chronique sur l'étymologie de nos expressions du terroir. je parlais du très, très rapide remaniement ministériel qu'on a eu cette semaine. Hélène David, sœur de Françoise David, ministre libérale qui s'est retrouvée ministre de l'Éducation supérieure. On espère qu'elle va un peu plus défendre son ministère que ce qui s'est fait récemment. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est une critique qui a été faite aussi à François Blais et à, en fait, toutes les autres ministres de l'Éducation ever depuis qu'il existe un ministère de l'Éducation, sauf, mettons, du moment que la Révolution tranquille a été finie, mettons, à partir de la fin des années 70, mettons, c'est que les ministres de l'Éducation ont généralement un peu suivi les ordres qui se faisaient donner, c'est-à-dire, bon, regarde, t'as des coupures à faire, coupe là-dedans, puis ça finit là. Vraiment, un ministre qui décide de défendre l'éducation au Québec, comme il y en a qui ont défendu, mettons, l'industrie minière ou les ministres de la justice slash de la sécurité publique sont souvent un ministre de la sécurité publique va souvent être un ancien des policiers, va comme défendre le travail des policiers, là, ça va lui tenir à cœur puis tout. Les ministres de l'éducation qui sont vraiment là, l'éducation c'est important, puis qu'on a l'impression, parce que ça c'est sûr que ça se fait derrière les portes closes des comités et des... Mm-hmm. Et des conseils des ministres, et ainsi de suite, qu'on a l'impression vraiment que le ministre, lors du conseil des ministres, a défendu « Non, moi, j'ai besoin de plus de ressources pour l'éducation au Québec. On a besoin de réinvestir en éducation. On a besoin de mettre de l'importance dans l'éducation. » On sent pas vraiment ça, puis on n'a jamais vraiment senti ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que, puis je l'ai déjà parlé ici, Patrick Lagacé, chroniqueur dans la presse, Et deux hommes en or, et mm-hmm. ainsi de suite, là, avec le gars qui a les cheveux, Philippe Wautier. Patrick Lagacé, il a fait une série de chroniques, je pense qu'il est rendu à 6 ou 7, que le titre est invariablement « Si l'éducation est importante au Québec », puis là, avec un chiffre, là, tout dépendant de ce qui est rendu dans la série. Il a fait ça l'année dernière, puis je pense qu'il va continuer à en faire. Puis c'est juste des exemples probants que lui, qui veut... Comme la semaine dernière, on parlait d'intégrité journalistique un peu. Patrick Lagacé, lui, c'est un des rares chroniqueurs qui fait vraiment un travail journalistique pour écrire ses chroniques. Puis c'est juste des exemples de preuves... Irréfutables. De preuves là, évidentes que l'éducation au Québec n'est pas en fait une priorité. Même si on dit que oui. Puis c'est juste des imbécilités, des non-sens qui ont lieu présentement dans le milieu de l'éducation, autant à l'université qu'au primaire, secondaire, qu'au collégial. Notre système d'éducation partait d'une bonne intuition. Je veux dire, le collégial, on est les seuls qui font ça dans le monde, oui, mais ça règle certains problèmes. C'est un peu comme l'analogie du casque de Bessic. Tu sais jamais combien d'accidents se sont évités grâce au casque de Bessic ou grâce au fait d'attacher sa ceinture et tout. C'est un peu le même principe, c'est que le collégial, ça a été inventé pour régler certains problèmes que d'autres systèmes d'éducation avaient. Entre autres, le fait que l'université coûte nécessairement plus cher. Donc, mettons, certains emplois, comme par exemple les infirmières. C'est le gros exemple qui me vient, en fait. Mais les infirmières, il y en a une bonne partie qui sont formées au collégial, alors que dans plusieurs autres endroits, comme aux États-Unis, entre autres, sont formées à l'université, ce qui fait que ça coûte beaucoup plus cher comme formation. Mais c'est la même formation en tant que telle. Ben, c'est équivalent. Ouais, okay. C'est équivalent, oui. Puis maintenant, aujourd'hui, ici au Québec, on offre d'aller plus loin dans ces études-là d'infirmerie, justement. Puis on peut devenir comme maître infirmière ou infirmier. Oui, les fameuses super infirmières. Exactement, là, grâce à l'université. Super infirmière. Super infirmière. Ben, c'est une infirmière avec une maîtrise. Et c'est j'ai une amie qui est en train de le faire, d'ailleurs. Puis sa job, elle, c'est quasiment une médecin de famille rendue là. Oui, c'est ça. C'est vraiment... T'es quasiment aussi important que le médecin. C'est toi qui va faire comme tout le suivi avec les patients puis tout ça. C'est vraiment ça. C'est pratiquement dans les faits, là, sa job, là, elle, ses activités qu'elle fait tous les jours, c'est la même chose qu'un médecin de famille. Ouais. Fait que c'est juste qu'elle a pas des suivis spécifiques d'un médecin. Ah, je suis même pas sûr de ça. Faudrait que je demande. Ça ferait une belle chronique d'aller parler de ça. Je pense que je vais aller poser des questions. Mais donc oui, on parlait de l'éducation supérieure, c'est important. On espère que Hélène David, là je fais juste assez de récapituler pour retrouver ce qu'on était rendu. Oh ouais. Mais c'est ça, dans le fond, on espère que Hélène David va prendre ça un peu plus au sérieux. Parce que, Pierre Moreau, ça regardait pas bien, comme je disais. C'est pas par rapport à ses qualités personnelles ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on le sait que quand que lui, c'est celui qu'on met quand il y a des décisions pas le fun qui seront pas populaires à prendre. Fait que, tout le temps, quand tu le vois arriver dans un ministère, tu dis « Ich, ça va faire mal », d'habitude. Puis là encore, c'est pas pour taper sa tête, surtout quelqu'un qui est présentement malade. Là, on pense que ça serait peut-être un cancer qu'il y aurait, là, ça doit être assez sérieux. Mais c'est ça. Fait qu'on on espère que le fait d'envoyer Mme David à cette place-là, puis c'est pas tellement pour faire une analogie avec... parce que, tu sais, ce serait facile de faire un peu une fausse association, de dire « Ah, ben c'est la sœur de Françoise David, fait qu'elle aussi, c'est Yo, Peace and Love, puis c'est pas nécessairement... Pas nécessairement, mais on s'entend qu'elle fait probablement partie des libéraux les plus progressistes quand même, donc on espère que l'éducation soit importante. C'est une prof d'université, donc on espère qu'elle va que l'université lui tient à cœur. D'ailleurs, elle avait eu des fonctions assez élevées. Elle a été, comme je disais, elle a été vice-rectrice aux affaires pédagogiques. Elle a eu un autre poste qui m'échappe, mais une autre chose le relie à ça, à l'Université de Montréal. Elle fait principalement sa carrière à l'Université de Montréal. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou non? Je ne sais pas. L'Université de Montréal, c'est une université comme une autre. Puis bon, il y a le fait aussi que c'est une prof de psycho à la base. Mm-hmm. Donc, le côté humain, on se dit qu'il doit être un peu plus développé. Là, je connais des gens en psycho qui vont vous dire « Ouais, c'est pas tous les profs en psycho. » Mais quoi? On verra, là. Ouais, mais on va y laisser le temps. Ça pour dire, bienvenue, Madame David. Et on espère qu'on va continuer de vous apprécier. Ah! Ben voilà le message. On dirait une carte que tu as envoyée par la poste avec une petite fleur. Ça faisait un petit peu Danny. Comment ça s'appelle Danny Turcotte. Ouais, Turcotte, ouais. Ouais. Ouais, petite carte. C'est cute. Carte. Bref, Sébastien, regarde, on t'écoute à ton émission, toi et Lucas Hubert. En passant, moi, je cherche des noms de chroniques. Tout doit être brandé. Moi, c'est juste comme des branding marketing. Ouais. Et s'il y avait une chronique, mettons, à faire, d'explication de quelque chose, ça s'appellerait Lucas Hubert. Comme le cas Hubert, mais Lucas Hubert. Le cas Hubert. Le cas, oui. Je la comprends pas. L'apostrophe CAS. Ça, c'est le cas Hubert. T'expliques ouais, quelque chose. Le cas Hubert. Je pense que je cherchais trop loin. Moi, ouais, avec, je pensais que c'était un vrai cas qui avait déjà été. Moi, je pensais que c'était pour parler des taxis. Tu sais, Uber, là, les taxis qu'on peut commander avec notre cell. Ça, c'est Uber. Ça, c'est les gens de prononcement. En fait, c'est avec un tréma, puis d'habitude, le U sur le tréma, c'est plus en allemand, puis en allemand, c'est vraiment Uber. Ouais, ça, t'as peut-être raison là-dessus. Mais c'est américain, fait qu'en tant que tel. Ouais, c'est probablement ils ont plus pas juste pour mis des trémas juste pour être beau comme dans Motorhead, je sais pas quoi. Ben, je pense que oui, en fait. Tu mettais Metallica? Motorhead. Motorhead, non, ouais. Ouais. Metallica, il n'y a pas de O là-dedans. Parce que Motorhead, tu prononcerais comment Motorhead avec les trémas, tout ça? Motorhead, en fait. Non, attends. Mon allemand est loin. Ouais. Ah non, c'est Motorhead. Motorhead, je pense. Voilà. Me semble de mémoire, là. Bon. Voilà. Fait que, ouais, non. On va le prononcer à l'américain, je pense. C'est vraiment plus pour le style, je pense, qu'ils mettent les trémas. Là. Ça fait plus norvégien. Ouais, ouais c'est même. Ça. De toute façon, Uber, ça sonne trop comme Saint-Hubert. Fait. Ouais, aussi. Ça donne envie d'une. Bon, là, tu vas te le mettre à dos. Qui, ça, ouais, Uber? Ils vont venir. Lucas. Oh. Ah, Lucas! Pas grave, il est habitué qu'on parle de lui. On se battra pas pour des trémas. Là. Donc, Lucas Hubert et toi, Sébastien F. Gartin, tous les jeudis après-midi à 13h. Oui. Ça passe les samedis à 9h. Oui. De quoi est-ce qu'on parle? De plein de choses. En général? En général. Ben, en général, ben, premièrement, nous autres, on finit par tout le temps parler des primaires américaines. Oui! Bernie! Likez notre page, on va le dire dessus. C'est ça. Non, c'est un peu comme ce que je fais ici. On parle de ce qu'il y a dans l'actualité, puis on essaye de dire le plus de niaiseries possible là-dessus, mais en n'ayant pas l'air de dire des niaiseries. Voilà. La crédibilité. Quand tu parles sérieusement, t'as l'air de dire la vérité. C'est exactement ça. Non, des niaiseries dans le sens qu'on essaie de rendre ça drôle. Ouais. C'est juste parce qu'on on rit pas pendant. Tu sais, je veux dire, on n'est pas les grandes gueules. Là. Non, on pas rit ses cuisses. Pas pendant qu'on. C'est ça. Tu tapes ses cuisses de Lucas puis Lucas sur tes cuisses, mais personne se tape sur les cuisses eux-mêmes. C'est ça? Ouais. Non, j'ai pas les bras si longs que c'est ça. C'est malaisant. La table est grande. Ouais, c'est un peu. De toute façon, la table est grande dans le studio. Je me rends pas. C'est Lucas qui fait, Lucas fait la console. Fait que se rendre. Tu vois, regarde, je m'étire le bras, je me rends pas à toi. Tu te rends pas du tout. Je me rends même pas à tes genoux. Fait que les cuisses, on oublie ça. Ah, tu te rends d'autres choses, mais pas à mes genoux. C'est ça que t'as dit. C'est ça que t'as dit? Non, j'ai dit je me rends même pas à tes genoux. Jeudi 13h. Yep. Samedi 9h. La sortie de secours est à votre gauche. Oh que oui. Page Facebook, la sortie de secours est à votre gauche. Voilà. Ouais. Merci Sébastien Evgartin. Merci à vous. Bonne semaine. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Je vous parle du domaine des Raéliens. Eh bien, ce domaine sera transformé en camping cubain. Un camping à thème? Ben oui, pendant plus d'une vingtaine d'années, le mouvement dirigé par Claude Vorillon a fait son lieu de rassemblement, les Raéliens disaient que là-bas, on se préparait à y accueillir les premiers extraterrestres. À compter, de juin prochain, ce sont plutôt des campeurs en quête de dépaysement qui pourront profiter de ces terrains au cœur de l'Estrie. L'homme d'affaires Réal Brochu a vendu le domaine de 275 acres à des promoteurs de la région de Montréal. Les acquéreurs sont à le transformer pour en faire un tout-inclus genre cubain formule camping. Moi, je trouve que ça fait quétaine à souhait, c'est hallucinant. On s'est rendu compte qu'en voyageant à Cuba, que plusieurs voyageurs qui fréquentent ces resorts là-bas font du camping l'été. Comme ça coûte de plus en plus cher de voyager dans ces pays, on s'est dit que pourquoi pas leur donner un accès à une expérience similaire ici. C'est ce qu'a expliqué l'un des propriétaires, André Tremblay. Moi, je trouve que c'est vraiment affreux, mais bon. Les travaux d'aménagement sont commencés. Plusieurs bâtiments ont déjà été repeints aux couleurs du pays. Le visage de Che Guevara avec le drapeau cubain apparaît sur l'un des principaux édifices. Une piscine de 160 pieds de long avec un bar intégré dans l'eau sera même aménagée sur la propriété. On veut que les visiteurs aient vraiment l'impression d'être dans un tout-inclus des Caraïbes. Nous avons fait venir des palmiers de la Floride qui ont été transplantés un peu partout sur le site, a ajouté M. Tremblay. OK, puis ils vont pas crever tes palmiers, man? Le domaine situé à Maricourt-en-Estrie compte 300 sites pour campeurs avec et sans service. On y retrouve aussi en plus une dizaine de petites cabines pouvant accueillir une famille de 4 personnes. Dans une autre phase de développement, les promoteurs ont l'intention de convertir le bâtiment principal en condo et en chambre d'hôtel. Les campeurs auront alors accès à 3 restaurants, dont un de spécialité cubaine. L'amphithéâtre existant de 500 places sera rénové et une troupe cubaine viendra y donner des spectacles chaque soir. Nous partons pour Cuba dans les prochains jours pour engager la troupe qui viendra passer l'été ici et divertir nos campeurs. Ce sont de vrais Cubains qui vont faire de l'animation sur le site le jour comme le soir, a expliqué Véronique Allary. L'inauguration du site est prévue pour la fin mai. L'intention des promoteurs est d'en faire en sorte que le camping soit accessible 6 mois par année. Vous me verrez pas là. Non, mais sérieux, je déteste la musique cubaine. Je déteste ce clinquant inutile. En tout cas, non, vraiment pas. Bonne chance pour eux. À Montpellier, en France, ivre, il insulte sa femme dans le tramway. C'est une petite vidéo à voir. Je sais, c'est vraiment du n'importe quoi, mais vous êtes dans le dîner de cons, c'est de même. Donc, à Montpellier, le passager d'un tram a filmé une vive altercation entre un homme et sa compagne, passablement éméchée. Le mari, très violent, s'est subitement mis à traiter sa femme de tous les noms d'oiseaux. Face à ce déferlement de violence verbale, une passagère a tenté de s'interposer en vain. L'homme a continué d'insulter sa compagne en la traitant de pute, de salope et en menaçant même de la tuer. Ben, dans ce temps-là, menace de mort, appelle la police. C'est plus dangereux ça qu'un noir qui parle avec une fille dans un restaurant puis qu'il n'y a rien qui se passe. Hein? Je vous dis ça de même. Un bébé vient au monde dans sa poche amniotique. Eh bien oui, dans une maternité du Venezuela, une sage-femme a filmé un accouchement pour le moins insolite. Un bébé est venu au monde dans son sac amniotique. Cette enveloppe, qui constitue au début de la grossesse, a pour but de protéger le bébé des chocs de la déshydratation. En règle générale, la poche amniotique seront quelques minutes avant l'accouchement, d'où l'expression « perdre ses os » ou « perdre les os ». Alors, allez voir ça, des images vraiment particulières. On dirait un petit bébé extraterrestre dans un œuf presque transparent. Ici, une île canadienne propose d'accueillir des Américains si Donald Trump est élu président. Je peux comprendre, hein? Une île canadienne propose d'accueillir des Américains opposés à Donald Trump si le milliardaire américain en tête de la course à l'investiture républicaine à la Maison-Blanche était élu président des États-Unis en novembre prochain. C'est un site Internet conçu par un animateur de radio qui encourage les Américains à venir s'installer sur l'île du Cap-Breton, située dans la province de la Nouvelle-Écosse à 400 km de la frontière américaine, si Donald Trump remportait les élections présidentielles. Il propose également un lien vers l'Office du tourisme de l'île mettant en avant les logements abordables ainsi que le système de soins de santé universel du Canada en allusion au discours outrancier du magnat de l'immobilier dans la course à l'investiture républicaine. Je cite ce monsieur, il dit « N'attendez pas que Donald Trump soit élu président pour trouver un autre endroit où vivre », exhorte le site. « Commencez dès aujourd'hui et le jour du scrutin, vous n'aurez qu'à prendre un bus pour commencer votre nouvelle vie au Cap-Breton ». Là où les femmes peuvent avorter, les musulmans se déplacer librement et où les murs servent à soutenir les toits de nos maisons. Dans tes dents, le jaune-orange! Nous ne faisons pas de distinction selon l'appartenance politique. Tout le monde est bienvenu, a dit la responsable touristique de l'île, Mary Tulle, soulignant les liens commerciaux et généalogiques historiques avec les États-Unis. Comme sa mère parlait écossais, eh bien Donald Trump lui-même pourrait aimer venir, a-t-elle ajouté, l'île ayant été notamment colonisée par des Écossais. Dopé par l'intérêt que portent les médias américains au site, celui de l'Office du tourisme de l'île a déjà reçu plus de 300 000 visites en une seule semaine, soit plus que toute l'année dernière. C'est ce qu'a indiqué la responsable. Nous avons reçu 5 000 demandes de renseignements spécifiques sur l'île de la part d'Américains, sur l'immigration au Canada et les opportunités de travail et bien sûr sur l'immobilier. le site CBI... attends un peu. CBIF Trump Win, OK, c'est comme s'il meurt, n'est pas la seule initiative canadienne à rallier les élections présidentielles américaines. Sur America But Better, un appel a été lancé pour élire le Canada à la présidence des États-Unis. Wow! Réalisé et mis en ligne par un écrivain américain installé au Canada et un acteur canadien, la vidéo appelle les Américains à un sursaut en élisant le Canada à la Maison-Blanche. Vraiment, ça, c'est une très, très bonne idée. Et on aime bien le petit côté humoristique aussi de la chose, hein? Faut bien en rire parce que c'est un malade dangereux, là, Donald Trump. Faut pas oublier. Il y en a même qui le défendent, hein? Faut pas oublier ça non plus. J'ai même entendu ici à la radio des gens qui le défendent. Je comprends rien là-dedans. Égypte, 5 ans de prison pour 3 adolescents chrétiens pour outrage à l'islam. 3 adolescents chrétiens coptes ont été condamnés jeudi à 5 années de prison en Égypte, accusés d'outrage à l'islam. Parce qu'ils ont parodié dans une vidéo une scène de prière, a-t-on appris par le parquet. Un quatrième âgé de 15 ans a été condamné à être enfermé dans un centre de détention pour enfants par un tribunal correctionnel de la Minya. Leur avocat assure qu'il voulait en réalité parodier une décapitation telle que la pratique Daesh. Les quatre n'avaient pas encore été arrêtés mercredi, selon leur avocat, qui entend faire appel, ce dernier étant suspensif. Dans la vidéo filmée en janvier 2015 par l'un des deux des professeurs, qui avait lui-même été condamné à 3 ans de prison dans un procès séparé, on peut voir l'un des ados s'agenouiller et mimer une prière musulmane, les autres gesticulant hilar autour de lui. L'un d'eux fait ensuite mine avec le pouce de décapiter celui qui priait. Sérieux, l'Égypte, 5 ans de prison pour 3 adolescents chrétiens pour outrage à l'islam, c'est ça l'outrage à l'islam? Ben j'espère l'outrer l'islam parce que, sérieux, si c'est ça l'islam, ça fait dur. Daesh menace les fondateurs de Facebook ainsi que de Twitter. Dans une vidéo publiée par Daesh, le groupe djihadiste menace Jack Dorsey, créateur de Twitter, ainsi que Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Dans ce film de propagande d'une durée de 25 minutes, des impacts de balles criblent les visages des deux géants des réseaux sociaux. En cause, la fermeture de comptes liés aux djihadistes. Si vous fermez un compte, nous allez en prendre... Attends un peu. Si vous fermez un compte, nous allons en prendre 10 en retour et bientôt vos noms seront effacés, peut-on lire ainsi à la fin de la vidéo. Certaines images montraient également des informaticiens de Daesh en train de hacker des comptes sur les deux sites. Le groupe djihadiste affirme avoir pris possession de plus de 10 000 comptes Facebook, 150 groupes Facebook et au moins 5 000 profils Twitter. Par la voix de l'un de ses porte-parole, Twitter a fait savoir qu'aucune réponse officielle ne serait publiée pour la simple et bonne raison que cela arrive tout le temps. Le représentant du site au petit oiseau bleu n'a toutefois pas précisé combien de menaces aussi concrètes étaient parvenues au site. Il n'y a pas de hackers de l'Occident qui peuvent mettre à off les hackers de Daesh? Il me semble qu'on est rendu là, hein? Je dis ça demain. Non, mais pour vrai, là, je suis très, très sérieux. Il me semble que ça serait le temps. Là. Ça serait vraiment le temps. Tiens donc. Tous les hommes d'un village iranien exécutés pour trafic de drogue. Ben ça, c'est brillant. C'est magnifique, hein? Ben oui. Tous les hommes d'un village d'une province reculée de l'Iran ont été exécutés pour trafic de drogue. Le nom du village ainsi que le nombre de personnes exécutées n'ont pas été précisés. C'est Shahindok Molaverdi qui s'alarme désormais des risques d'embrasement du village après ses exécutions. Les descendants des criminels exécutés sont tous aujourd'hui, eux aussi, trafiquants de drogue. Ils veulent venger la mort de leur père. Tant mieux. Selon Euronews, qui rapporte l'information, le trafic de drogue, notamment d'opium, est important dans cette région du Sistan et du Baloutchistan, particulièrement touchée par la pauvreté. Le trafic de drogue, permet à de nombreux habitants de subvenir à leurs besoins. Ils réussissent à survivre. C'est sérieusement, là, une situation que déplore le vice-présidente iranienne. Si on n'intervient pas auprès de ces gens, la criminalité se reproduit. La société est responsable des familles des exécutés. Selon les chiffres d'Amnesty International, l'Iran arrive en deuxième position des pays en procédé à des exécutions. L'organisation estime que 743 personnes ont été exécutées en 2014. Le chiffre officiel fait état de 289 personnes. Et en réalité, c'est 743, hein? On va croire un petit peu plus l'organisation d'Amnesty International que le chiffre de l'État, hein? Ça c'est sûr. Une cigarette électronique explose dans sa poche. Samedi 20 février, et donc samedi dernier, Josh Hamilton se trouvait dans une station-service d'Owensboro aux États-Unis lorsque la batterie de sa cigarette électronique a explosé dans la poche de son pantalon. À la vue de la scène, l'employé de la station s'est immédiatement saisi d'un extincteur pour éteindre les flammes. Brûlé au second degré, Josh a dû être hospitalisé. Il compte bien porter plainte contre le fabricant. Tant mieux, parce que le monde y pense vraiment là, que c'est la panacée. La cigarette électronique, ça va quasiment vous faire vivre plus longtemps. Hein? C'est magnifique. Tiens donc, on va finir avec cette nouvelle ici. Une photo symbolisant l'homoparentalité devient virale, mais pour une mauvaise raison. Donc, cette photo devenue virale pour la symbolique positive envers l'homoparentalité fait maintenant le tour du monde pour une toute autre raison. Des militants conservateurs l'utilisent afin de lutter contre le droit des couples homosexuels d'élever un enfant. C'est le cas de la candidate indépendantiste aux élections en Irlande, Mary E. Fitzgibbon. Il n'y a pas juste des débiles aux États-Unis, hein, de droite. Ben non, puis ni pas juste à Québec. Eh non, il y en a aussi en Irlande qui estiment que la maternité de substitution prive délibérément les enfants d'une mère et de l'amour maternel auquel ils ont droit. La politicienne publie régulièrement des photomontages pour appuyer ses affirmations. Même si une loi sur le mariage homosexuel a été adoptée en 2015 en Irlande, l'homoparentalité demeure un sujet très controversé. La photo en question montre deux papas de Toronto, B.G. Barron et Frank Nelson, au moment où ils ont accueilli leur petit garçon nommé Milo. En Irlande, les femmes ne peuvent bénéficier d'une interruption de grossesse que si elles sont en danger de mort. Les femmes qui contreviennent à la loi sont passibles de 14 ans de prison ou d'une amende de 4 000 €. Actuellement, oui, des militants pro-avortement se mobilisent afin d'obtenir une réforme de cette législation très stricte de l'Irlande. Mary E. Fitzgibbon est l'une des militantes pro-vie et démontre son désaccord en publiant notamment des photos de fœtus afin d'illustrer sa position. Vraiment une dérangée, Mary Fitzgibbon. Sur ce, eh bien, on s'en va avec Chemical Brothers, hein? Nul autre que la pièce « Hey Boy, Hey Girl ». Girls, beat boys, superstar DJs, here we go! Here we go. Boy, Hey Girl de la formation Chemical Brothers. C'est excellent, ça. Et puis, ben, merci d'être encore ici. Merci d'être encore sur le 89.1. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Moi, j'en passe un excellent. Vous êtes tellement sympathique. Pas jasant, mais quand même, j'ai l'habitude de parler beaucoup. Alors, ben, je la prends à mon habitude. Ici, je vous parle de marijuana. Eh bien oui, Thomas Mulcair dit un peu ce que tout le monde pense tout bas. Et Thomas Mulcair dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Exactement. Marijuana, les libéraux laissent un vide juridique, accuse Thomas Mulcair. Il crie en « Ouais, légalise! » Donc, le chef du NPD, Thomas Mulcair, accuse le gouvernement Trudeau de laisser un vide juridique en attendant la légalisation du cannabis. Et il ne faut pas oublier qu'il avait fait ça, même au discours du trône. Il nous a parlé de légalisation, mais depuis, c'est le silence radio. En refusant d'agir comme les libéraux ont promis de le faire, il y a des gens qui sont en train d'être arrêtés et condamnés pour des possessions simples au moment où l'on parle à dénoncer M. Mulcair. À son avis, Ottawa devrait changer la loi au plus vite en commençant par la décriminalisation de la marijuana, puisque la légalisation est inévitable de toute façon. Effectivement, à commencer par décriminaliser, puis après, vous gérez la façon de la légaliser et puis la façon de la vendre et puis tout ça. Décriminaliser la possession simple, là, puis après, ben sérieux, vous réglerez les formalités ensuite. Quatre résidents de la Colombie-Britannique faisaient valoir que la légalisation de l'ancien gouvernement conservateur portait atteinte à la Charte des droits et libertés. C'est une décision incroyable à mes yeux, a déclaré Clayton Goodwin, un vétéran qui milite pour l'utilisation du cannabis médical. Cela permet aux plus pauvres d'avoir accès à cette médecine. C'est le plus gros problème sur la table, selon moi. Ça, par contre, c'est le fun. Hier, on a appris ça, là, que désormais, la marijuana médicale, les gens peuvent la faire pousser eux-mêmes. C'était complètement ridicule d'être obligé de faire affaire avec des dealers autorisés par le gouvernement. Quand que tu peux le faire pousser tout simplement chez vous, autant dehors qu'à l'intérieur, c'est complètement ridicule. Puis surtout quand on veut légaliser ou décriminaliser, écoute, les tomates, si je veux en manger, j'ai le droit de m'en faire pousser, hein, quand même. S'il salue cette décision, parce que ça a été approuvé au moins hier. Eh bien, Goodwin dit qu'il faut faire la preuve de prudence. Le gouvernement doit retourner à la table de dessin pour décider des étapes à venir. Nous avons des gens en prison, nous avons des gens qui ont été accusés aux criminels et nous sommes stigmatisés. Ça, c'est clair. Le député libéral Bill Blair, qui est responsable du dossier de la légalisation du cannabis, a rappelé mercredi que le code criminel est toujours en vigueur et doit être appliqué. Les lois qui existent présentement existent dans ce pays. Nous sommes une nation de lois. Bien franchement, jusqu'à ce qu'on fasse appel de ces lois à travers les processus appropriés, elles doivent être maintenues, elles doivent être obéies, a dit l'ancien policier. Sérieux, ils ont deux discours de chaque bord de la gueule. Et ils voulaient vraiment, par exemple, nous le vendre, la légalisation. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour les libéraux, qui n'auraient jamais voté pour les libéraux si on n'avait pas parlé de légalisation. Hein? Faut pas l'oublier. Parce que c'est le seul parti qui proposait ça. Donc, ils ont été chercher des voix comme ça. Et puis, maintenant, ben non, les lois sont comme ça, etc. Moi, je veux juste vous dire là, que dans les faits, OK? Dans les faits, un procès, là, surtout une histoire de cannabis, là, c'est pas des trucs très, très graves, là, eh bien, ça peut durer minimum, c'est 1 à 2 ans pour que le procès se règle. Alors, si les policiers font des arrestations comme ça, c'est clair qu'en ce moment, vous avez tout à fait raison, c'est illégal encore, OK? Mais si quelqu'un se fait prendre, ben il a qu'à étirer ça, puis il a toujours remettre ça, puis c'est plate parce que, comme on dit, ça fait un genre de vide juridique. Les policiers ont un peu, pas les mains liées, mais c'est comme faire des arrestations pour rien, je pense, dans ce milieu-là. Mais c'est une grosse, grosse question. Mais comme dit Mulcair, commencez par décriminaliser et ensuite faites-le comme il faut, justement pour pouvoir contrôler autant l'achat chez les jeunes, ben pas les jeunes, mais justement qu'il n'y ait pas d'achat chez les jeunes, que ça soit régi comme l'alcool est régi ou comme la cigarette est régie. Mais faites quelque chose, parce qu'en ce moment, là, il y a plein, plein de gens qui se sont fait dire par le gouvernement Trudeau que ça serait décriminalisé. Alors, les gens, ils attendent pas juste que le go soit fait. C'est supposé être comme ça. Assez particulier. Nous avons des gens en prison, oui. Le député libéral est responsable du dossier de nanana. Le ministre de la Santé, Jeanne Philpott, a également dit que le jugement rendu mercredi ne changeait rien à l'usage, la vente ou la commercialisation de la drogue, elle, à des fins récréatives. En point de presse, elle a précisé que le gouvernement allait se pencher sur le dossier et déterminer les prochaines étapes sous peu. C'est pas vrai. C'est sous peu, c'est quand? On dit rien, là. Par contre, les réfugiés, il fallait qu'il y en ait 25 000 avant la fin du mois de février. Ça, là, c'était très, très, très important. 25 000 réfugiés avant la fin du mois de février. Les autres, ben, ça va être sous peu. Un moment donné, quand ça va donner. Fait que, effectivement, il faudrait quand même qu'on se décide un petit peu on le fait ou on le fait pas. Si vous décidez de pas le faire, vous avez le droit aussi. Mais soyez clair, parce qu'en ce moment, vous essayez vraiment de faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à ceux qui veulent pas, à ceux qui veulent, tu sais, complètement déconnecté en ce moment. Moi, à date, j'étais quand même relativement content du gouvernement Trudeau, mais sur ce dossier-là, en ce moment, il est vraiment en train de l'échapper. Le véganisme, hein, les vegans, ouf, toujours végétarien, pas pire, mais vegan... Ça, là, c'est pas fort. Ça vaut pas cher la livre, hein? Ben, en tout cas, c'est mon avis. Là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc, le véganisme bientôt reconnu comme une religion. Ben, moi, je trouve que c'est beaucoup plus une religion, justement, qu'un système de façon de donner, de manger. C'est pas une façon de parler. Parce que je sais que je parle tout croche, là, en ce moment. Mais, effectivement, tu sais, comme être omnivore, être végétarien, être, etc., crugivore, peu importe, là, paléolithique ou quoi que tu veux. Ben, c'est une façon d'être. Mais quand t'es vegan, c'est une religion. Sérieux, je sais pas si vous savez c'est quoi le véganisme, là, mais faut vraiment être religieux pour ça, là. Faut vraiment... En tout cas, la province canadienne de l'Ontario pourrait reconnaître comme une religion le fait de consommer aucun produit d'origine animale. Même pas du miel, hein, même pas du cidre, de l'hydromel. Ben non, on a abusé d'abeilles ici, là. Hey, wow, ça c'est grave. Les abeilles, de toute façon, ils en produiraient pas de miel, hein. Alors que le Code des droits de l'homme local est en cours de révision, le commissaire Haddock a en effet considéré qu'une croyance non religieuse qui affectait en profondeur le mode de vie et ses adeptes pouvait être considérée l'égale d'une religion. Tout à fait. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Concrètement, cela signifie que les vegans bénéficieraient des mêmes droits, notamment en matière de protection contre les discriminations, que les minorités raciales, sexuelles ou religieuses. Donc, dans la vie, là, si tu veux être protégé, il faut que tu sois une minorité. C'est ce que je comprends. C'est dans le monde de l'entreprise que cette évolution aurait le plus de conséquences visibles. Un employeur se verrait, par exemple, dans l'obligation de prendre en compte la croyance d'un employé refusant de porter des vêtements d'origine animale. Ça, c'est ridicule. Donc, un vegan ne met pas de laine, hein? Et ben non, hey, voyons, mais pas de coton non plus, parce qu'il y a des vers à soie et des vers à coton. Non, tu sais, c'est comme, hey, wouhou! Non, mais quand même. Des menus végétaliens, oui, devraient obligatoirement être proposés à la cantine ou lors d'événements d'entreprise. Les opposants à cette mesure mettent en garde contre les situations ubesques auxquelles elles pourraient donner lieu. Selon eux, intégrer la prise en compte du véganisme dans la loi ouvre la porte à la prise en compte de spécificités alimentaires de toutes sortes. Quid, en effet, les intolérants au gluten et les allergies au lactose, outre en faire l'absence de plats vegan dans un restaurant d'entreprise, un manque aux droits de l'homme, au même titre que la discrimination raciale ou les persécutions religieuses. Ça peut sembler assez discutable. On est rendu complètement dans un monde fou, là, ici, là. Toutefois, cette nouvelle religion vegan a de plus en plus d'adeptes dans le monde occidental, en particulier outre-Atlantique, où les excès de l'alimentation carnée ont donné lieu par un choc en retour à un discours végétalien rigoriste que je suis pas capable d'entendre, où le bien-être animal, la préservation des ressources et le respect de l'environnement sont fréquemment cités. Moi, c'est ce qui me dérange le plus, parce que selon les vegans, eux, ils sont des bonnes personnes. Moi, c'est ce qui me fait le plus je le dirais pas. Ils se croient meilleurs. Moi, je trouve que c'est parfait, les vegans. Si vous voulez être vegan, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que votre mode de vie est mieux qu'un autre. Peut-être que oui, là, contre celui qui mange 2 steaks par jour, peut-être, hein? Mais à tous les jours. Mais tu peux être très, très responsable au niveau de l'environnement. Tu peux être très, très responsable au niveau de tout, sérieux. Sans être vegan. Premièrement, sois donc végétarien, on va commencer pour pouvoir se parler, parce que sinon, ben, t'es un extrémiste religieux, tu sais. Mais si c'est... Non, mais c'est presque ça, pour vrai. J'en ai autour de moi du monde. Sérieux, c'est difficile, là. Tu peux pas les inviter à manger, tu peux pas aller manger au restaurant avec eux, tu peux rien faire, sérieux. C'est une secte. Moi, j'appelle ça une secte. Totalement. Donc, en tout cas. Mais si cette rhétorique présente certains arguments imparables, elle se heurte dans sa réalisation à d'autres barrières éthiques. La production de viande et de poisson fait en fait vivre une part non négligeable de la population et le passage à une alimentation strictement végétale aurait pour les agriculteurs de conséquences terribles. Et puis, ça aurait des conséquences terribles aussi pour le goût, hein, et pour le bien-être de vivre. Si je vis jusqu'à 150 ans, mais que c'est plate et emmerdant à vivre, ben j'aime autant mieux mourir tout de suite, hein, quand même. Il y a Pékin qui devient la capitale mondiale des milliardaires. Je vois que l'heure avance comme ça. Bon, on va la faire, hein. Pékin devient la capitale mondiale des milliardaires. La capitale de la Chine a détrôné New York en haut du classement des villes qui comptent le plus de milliardaires. Donc, Pékin a gagné 32 très riches hommes d'affaires en 2015 et accueille désormais 100 au total. En accueille désormais 100 au total, c'est 5 de plus que la grosse pomme américaine. Le classement dressé par Urun était pourtant largement dominé par New York, et ce pendant plusieurs années. Malgré le ralentissement de sa croissance et des chutes observées sur les marchés financiers, la Chine, incluant Taïwan, Hong Kong et Macao, compte plus de milliardaires que n'importe quel pays au monde, principalement grâce à des entrées en bourse. 5 des 10 premières villes du classement sont d'ailleurs chinoises, notamment Hong Kong et Shanghai, respectivement 4e, 64 milliardaires, et 5e, 50. Seul Moscou s'est intercalé à la 3e place avec quand même 66 milliardaires. Il y a du monde du régime, hein? C'est pas capitaliste en plus, là. C'était pas supposé être capitaliste, ça, Moscou. Non, non, les communistes, ça fait pas beaucoup d'argent, hein? Il y en a juste 66 milliardaires. Au total, c'est l'Empire du milieu qui abrite désormais 568 milliardaires contre 535 aux États-Unis. À eux seuls, les Chinois les plus riches cumulent une richesse de 1400 milliards d'euros. Aïe aïe, les Chinois, aïe aïe, hein, ces riches-là, 1400 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB de l'Australie. L'homme le plus riche de Chine, c'est Wang Jianlin, un magnat de l'immobilier et du divertissement. Il figure au 21e rang du classement Urun des plus grandes fortunes mondiales, juste derrière les Américains Bill Gates, fondateur de Microsoft, Mark Zuckerberg de Facebook et le businessman Warren Buffett. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Maintenant, c'est David Ferron qui est de retour avec sa carte Bleacher. David Ferron n'est pas avec nous en studio. On l'a pas vu depuis le mois de, je crois, de novembre ou décembre. Non, mais il nous écoute. Il nous écoute, absolument. Et récemment, en fait, il a réalisé une entrevue avec Olivier Coursier, qui est la moitié du duo Aaron, formé avec Simon Buret. Le groupe donnait un spectacle au Metropolis samedi dernier, juste là, qui vient d'arriver. Au cours de l'entrevue, on va entendre des petites chansons. On en parlera à la fin. Mais pour l'instant, voici l'entrevue avec David Ferron et Olivier Coursier de Aaron. Ça fait 10 ans que vous produisez des disques et pour vous, en fait, c'était quoi le secret pour être actuel musicalement tout en réussissant à évoluer et à avoir son propre style? Je crois que la première chose, c'est d'être honnête avec soi-même. Voilà, c'est très important, c'est de retranscrire en musique ce qui nous traverse. Et puis, surtout, de ne pas viser un succès. Faire la musique à la base, ça peut paraître un peu étonnant, mais faire la musique pour soi, c'est très important. Et puis après, il se passe ce qui doit se passer. Ça peut fonctionner ou pas. Nous, on ne s'y attendait pas du tout quand on a fait le premier album. On a fait ça chez moi, dans une cuisine avec très très peu de matériel. Dans un vraiment minuscule studio. Et voilà, tout s'est très très bien passé. Je pense qu'il faut... Enfin, en ce qui nous concerne, on n'a pas essayé de suivre un courant musical ou quoi que ce soit. On a essayé de faire une musique qui est au plus proche des textes. Pour nous, ce qui est important, c'est que la musique soit fusionnelle avec les paroles, que ça raconte la même chose. Et parlant justement de vouloir garder l'intégrité, c'est que votre nouvel album Cotton Act, ça a été fait dans votre propre studio, et j'entends dire que ça a été fait vraiment de manière très autonome par vous et par Simon, et ça a été fait en fait en 2014 et 2015. Et est-ce que ça a été un défi de faire tout par soi-même avec votre propre studio? Ça a été comment cette expérience-là? En fait, depuis le début, on fait toujours ça. On fait les albums à deux parce qu'on n'a jamais ressenti le besoin de quelqu'un qui venait de l'extérieur, en fait. Ça a toujours fonctionné comme ça, c'est très rapide. Et puis surtout, à deux, je pense qu'on n'a pas peur d'essayer des nouvelles choses, des nouveaux sons. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, mais on ne se juge pas, en fait. On essaye, Simon et moi, de se pousser vers le haut. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'inconnu, en fait. Du coup, c'est vrai qu'on a tout le temps fonctionné comme ça. Ce qui a changé entre le troisième et les deux albums précédents, c'est que maintenant j'ai un studio, et du coup c'est un lieu qui est vraiment dédié complètement à ça, quoi. On a tout le matériel à portée de main, et ça, pour nous, ça a changé beaucoup de choses, ça a fait évoluer notre son, en fait. Et est-ce que justement c'est ça qui a permis d'avoir un son davantage électronique dans votre nouvel album, ou c'était l'idée était déjà là avant que vous ayez votre propre studio? Alors l'idée de faire un album un peu plus électronique, non, on l'a pas vraiment eu, parce qu'en fait, si vous écoutez le premier et même le deuxième album, dès le début, il y avait des sonorités assez électroniques. La différence avec le dernier album, c'est que on a utilisé quasiment que ça. C'est peut-être les choses sont un peu plus compactes, un peu plus homogène. On voulait très peu de titres, on n'en a fait que 10. On voulait pas utiliser de guitare acoustique, etc. On s'est donné un peu pas des limites, mais je crois que non, c'est venu naturellement. On voulait effacer un peu la source. Par exemple, parfois il y a des guitares et on les a passées à travers pas mal d'effets et on sait même plus que c'est une guitare, en fait. Voilà, ce qui nous intéressait, c'était la matière sonore, en fait, pour habiller les textes. Et vous parlez de solitude, de nuit, d'amour perdu ou déçu. Est-ce que c'est le fait d'avoir des paroles, si je peux dire ça, sombres avec une musique aérienne? Comment ça a été, comment l'équilibre a pu se faire? Comment vous dire, ce qui est important, je pense, c'est même si les paroles sont sombres, il y a tout le temps de l'espoir, en fait. On passe tous, oui, et on passera tous par des moments sombres et aussi des moments lumineux. Mais ce qui est important, c'est comment on transforme les choses. Quelque chose de très très noir qui peut nous arriver, on peut le transformer en quelque chose de beau au final. Voilà, c'est ça qui nous importe. Et forcément, on a essayé de faire une musique qui est proche de ce qu'on appelle la nuit intérieure, proche de l'intime, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est, dans la nuit, c'est que le masque social tombe, en fait. On a des personnes qui changent complètement la nuit. Et cet aspect-là nous intéressait, c'est ça qu'on a essayé de creuser dans l'album. Ça, et le lâcher-prise aussi, ne pas avoir peur de l'inconnu. Justement, parce que là, je vais revenir avec l'album. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un de vous deux, en fait, c'est que vos visages sont comme si c'était du papier mâché, je faisais ça comme ça sur l'album, parce qu'il y en a un des deux membres qui flotte et l'autre qui semble être émergé dans le mur. Est-ce que ça peut représenter un peu ce que vous dites au niveau de l'univers musical? Un petit peu, oui. On s'est surtout inspiré d'un livre qui est le Passe-Muraille. Et ça rejoint ce que je vous disais, en fait. C'est... voilà, comment traverser les choses, comment transformer les choses. Voilà, pour nous, c'était ça représentait un peu ça. Et puis il y avait aussi nos visages qui sont représentés par une couverture de survie. Ça, c'est assez intéressant pour nous aussi, comment survivre à ces moments, en fait. Voilà, donc ça représente ça pour nous. Ah, puis c'est d'ailleurs très jolie pochette en passant. Qui l'a faite? On a travaillé avec un collectif A4 qui est sur Paris et qui a fait la pochette aussi de Benjamin Clementine et d'autres pochettes. Et on adorait ce collectif parce qu'il y avait quelque chose de proche de l'art contemporain, en fait, dans leur création. Et voilà, on trouvait que ça changeait un peu des pochettes plus classiques parce qu'on voulait pas se retrouver avec nos portraits tout simples. Voilà, on voulait qu'il y ait un vrai sens, qu'il y ait quelque chose en plus. Oh. Parlant justement d'univers, là, on va... parce que vous venez d'un groupe qui est plus rock, Mass Hysteria, et de son côté, votre collègue Simon est comédien. Comment ces deux origines culturelles ont permis à Aaron de prendre forme? Ben, je pense que ce qui a fait qu'on a fait ce groupe, c'est que justement, on recommençait tous les deux à zéro. Moi, j'étais dans un groupe, j'ai passé de très bons moments, mais à un moment donné, j'étais arrivé au bout de quelque chose et j'avais envie de créer quelque chose de nouveau qui était plus proche de la personne que je suis maintenant, en fait, parce qu'on s'en fout dans nos vies. Et voilà, moi, j'avais besoin d'autres choses. Et puis, c'était pas la même chose. Là, moi, j'avais intégré un groupe et là, j'ai créé un groupe. Donc, c'est complètement différent. Et je pense que Simon aussi, Simon avait pas mal de notes dans ses carnets, pas mal de bouts de texte. Et on s'est croisés tous les deux au bon moment, en fait. À un moment où on avait, l'un comme l'autre, envie de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'était ça un peu le point en commun qu'on avait. Et puis quand on a fait le premier morceau, qui est Endless Song, le premier morceau du premier album, tout s'est fait très très rapidement. Et d'un seul coup, pour nous, c'était vraiment une évidence. On arrivait à mettre en musique exactement ce qu'on avait en tête. Et donc, à partir de là, on a fait les morceaux les uns après les autres. Et voilà, c'était vraiment une évidence, quoi. Ah oui, ça a été un coup de foudre musical. Oui, complètement. Oh, wow. Ça, ouais. J'ai écouté une entrevue que vous avez accordée et on vous demandait de dire trois choses que vous avez toujours sur vous et la chose en commune que vous aviez, vous et Simon, c'est un carnet de notes. Donc, si je comprends bien, vous êtes toujours en instance d'inspiration de trouver des idées. Exactement, en fait. C'est simple, en fait, le processus. C'est on retranscrit ce qui nous traverse, en fait. Par exemple, pour cet album-là, Simon et moi, on a fait quelques voyages séparément l'un d'autre, et puis on en a fait un qui était dans l'ouest des États-Unis, donc vraiment dans les grands espaces, et on a retrouvé dans les grands espaces des sensations qu'on retrouve sur scène parfois. C'est-à-dire c'est quelque chose d'indescriptible qui vous emporte. Et ça, c'est le genre de choses qui nous inspire vraiment, en fait. Donc forcément, ça nous inspire des textes, des mélodies, des choses qu'on note sans arrêt, en fait. Vos chansons que vous mettez sur scène depuis avril, si je ne me trompe pas, donc depuis 10 mois, et est-ce que le rangement des chansons en 10 mois, ça a complètement changé ou c'est resté pas mal intact? Non, ça change forcément parce qu'on prend la musique comme une matière malléable. On a un squelette qui est par exemple quelque chose qui fonctionne juste en piano-voix. Et puis après, il y a toutes les matières sonores qui viennent autour. Et sur scène, on est quatre maintenant. Donc on réinterprète un peu les morceaux. Donc ça ne change pas, mais on peut s'amuser à les étirer, à les rendre un peu plus musclés ou au contraire, à les rendre un peu plus calme, et puis ça change aussi selon les concerts. C'est ce qui fait aussi qu'on se lasse jamais des morceaux. On a une structure de base, forcément, mais après, il faut s'amuser avec ça. Ça porte son nom, on appelle ça du live, donc ça doit rester vivant. Si vous et Simon deviez garder qu'un seul instrument chacun, quel serait cet instrument? Je pense que ça serait... Bah, le piano, si on parle d'instrument classique, ça serait le piano parce que c'est tous les deux on a appris un peu à en faire. Bon, moi j'en ai fait pas mal, j'en ai fait quand même 10 ans. Simon sait un petit peu en faire et c'est un instrument complet, je trouve. Voilà, vous avez les basses, les aigus, les médiums et vous pouvez interpréter plein de choses avec un piano. Et je pense que ça, quand on parlait d'image au début de l'interview, je trouve que c'est un instrument qui provoque plein d'images. Voilà, moi je sais que quand je vais sur un piano, des fois j'oublie le piano, j'ai plein d'images en tête. Voilà. Puis déjà, pour avoir écouté la pièce Shade of Blue, qui est plus dépouillée que d'autres pièces de l'album, sérieusement, ça donne une très bonne idée de ce que vous voulez dire, je crois. Oui, voilà, c'est un morceau pour nous qu'on a voulu épurer un peu plus, parce que le texte appelait aussi à ça, et puis on raconte une histoire dans un album, et on avait aussi besoin d'un morceau un peu plus calme, on va dire. Ce morceau-là venait après Blouson Noir, on l'a composé juste après. Oh, quand même! Voilà, et un morceau, on appelle un autre à chaque fois, et c'est celui qui est arrivé juste après. Hey, sinking and I can't hold you. Maybe it's 'cause I'm sinking too. I'm watching all the waves roll by, and all I do is sinking inside. Baby, if I can't hold you, it's just because I'm sinking too. If a grown-up's just a child gone bad, welcome to the Sad Boys Club. I'm only understanding who we are. The poems inside walls, just a stream. Soldiers lost into the sea of heartbeat stories. skids I'm sinking to you, watching all the waves around. All I do is sinking inside. Baby, if I can't hold you, it's just because I'm sinking to you. If a grown-up's just a child gone bad, welcome to the Sad Boy Club. Formation Aaron et la pièce Shade of Blue sur l'album We Caught the Night. Et avant, l'autre pièce s'appelait Blouson Noir, plutôt dans l'entrevue. Et c'était justement l'entrevue qui a été réalisée par David Ferron avec Olivier Coursier, la moitié du duo Aaron formé avec Simon Buret. Le groupe donnait un spectacle récemment au Metropolis en fin de semaine. Et on remercie David Ferron pour sa participation à l'émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. Bien sûr, on risque de le retrouver éventuellement d'ici la fin de la session, j'espère au moins une autre fois. Espérons. Petite participation ponctuelle de David Ferron, que vous pouvez entendre tous les jeudis après-midi à 17h dans son émission à Palmarès du Monde. Et ça, ben, ça rejoue les dimanches à 15h. David Ferron, Palmarès du Monde. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. Vous allez voir cette prochaine nouvelle, c'est tout un what the fuck. 5 ans de prison pour un pompier qui était devenu pyromane. Puis ça, ben, c'est parce qu'il s'ennuyait. Hein, il s'ennuyait à éteindre des feux, c'est plus trippant d'en allumer. Un ancien pompier de Californie, donc, qui avait allumé des dizaines d'incendies parce qu'il souhaitait gagner plus d'argent et qu'il s'ennuyait, a été condamné à 5 ans de prison mardi dernier, donc hier. L'homme de 33 ans a aussi été condamné à rembourser 246 832 $ au département californien des forêts et des protections contre les incendies pour avoir allumé 30 incendies durant les étés de 2006 et 2007, deux feux qui se sont étendus ensuite à des terres fédérales. Un champion. Les autorités ont précisé que le pyromane avait allumé des incendies parce qu'il s'ennuyait et qu'il devait gagner plus d'argent grâce aux heures supplémentaires passées à combattre des feux qu'il avait allumés. Il voulait également impressionner ses collègues. Plusieurs de ces incendies avaient été allumés grâce à un système de mise à feu différé. Félicitations, mon cave! Non, mais vraiment, c'est hyper dangereux. Premièrement, c'est beaucoup de coups. C'est dangereux pour les pompiers, c'est dangereux pour les gens. Complètement débile. Ici, un homme prend une balle pour 24$. OK, à Rouyn-Noranda, deux frères qui ont volé 24$ dans un dépanneur paieront longtemps pour leur crime, alors qu'un d'eux aura des séquelles à vie après que le propriétaire du dépanneur lui ait tiré une balle dans le dos. Ils ont en plus pris le chemin de la prison. Le 20 janvier dernier, c'est en 2015 ça s'est passé, Tom et Benoît Plante sont entrés au dépanneur chez Léo à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Armés d'un bâton de baseball et de tie wrap, ils savaient que le propriétaire du dépanneur, Léo Boulet, 75 ans, avait une arme à feu derrière son comptoir. Ils avaient donc prévu le frapper et l'attacher avant de le voler. Le septuagénaire les a cependant convaincus de ne pas l'attacher et leur a donné de l'argent de la caisse. Ça représentait 24 $ ainsi que quelques cigarettes. Alors que les deux frères prenaient la suite, Léo Boulet a tiré une balle de pistolet de calibre 32 dans le dos de Tom Plante. Ce dernier s'est effondré. Il a été dans le coma pendant quelques semaines. Il est passé très près de la mort. Il devra marcher avec une canne et prendre des médicaments contre la douleur toute sa vie, a précisé son avocate, Maître Nathalie Sanson. Les frères Plante ont plaidé coupable à des accusations de vol qualifié mercredi matin. Tom Plante a été condamné à 2 ans de prison, alors que Benoît a été condamné à 435 jours de détention. Prendre autant de risques pour si peu, ça dépasse l'entendement, a mentionné le juge Richard Laflamme. Le propriétaire du dépanneur, Léo Boulet, devrait quant à lui régler ses comptes avec la justice jeudi matin. Quand même assez particulier. Donc, demain, on aura plus de nouvelles sur cette histoire. Quand même assez rocambolesque, hein? On s'entend, là, pour 24$, la vie de quelqu'un est à jamais changée. Mais c'est quand même de sa faute. C'est lui qui est allé voler un dépanneur. Moi, je me suis pas fait tirer dans le dos. J'ai pas été volé de dépanneur. C'est assez débile. Lise Thibault. Tiens, on va rester dans le domaine judiciaire. L'appel de Lise Thibault est rejeté. Elle devra purger sa peine en prison. Ben oui, envoyée en prison. La cour d'appel, la reine sur roue. La cour d'appel vient de confirmer le jugement rendu en première instance dans le dossier de Lise Thibault. L'ancienne lieutenant-gouverneur a maintenant 24 heures pour se constituer prisonnière. Dans une décision d'une vingtaine de pages, le banc de la cour d'appel a souligné ne pas avoir été convaincu par la plante qui invoquait une erreur commise par le juge Carole Saint-Cyr qui avait refusé de lui octroyer une peine à purger dans la collectivité. Le premier juge privilégié, la peine d'incarcération, compte tenu, entre autres, du poste prestigieux qu'occupait la plante, ont-ils rappelé. Concernant l'hypermédiatisation, qui, selon les arguments de la plante, aurait dû jouer pour une peine plus clémente, les juges ont rappelé que par son implication sociale à divers niveaux, Lise Thibault a valorisé sa fonction auprès de la population. Elle voulait être vue comme la représentante de la reine au Québec et bénéficier de cette aura. Par conséquent, il n'est pas étonnant que les accusations portées contre elle en lien avec l'exercice de sa fonction aient fait l'objet d'une hypermédiatisation dans la presse, tant écrite que parlée, et même dans les médias sociaux. À partir de maintenant, la dame qui aura 77 ans le 2 avril prochain a 24 heures pour se présenter au centre de détention de Québec, où à partir de cet endroit, elle sera redirigée vers la prison où elle ira passer les 18 prochains mois. Eh ben oui, salut. Il y a quelqu'un qui dit « Ce qui me révolte, c'est que dans le fond, c'est Charest qui devrait prendre sa place. » Pourquoi pas? Enfin, les sentences sont souvent des portes tournantes et j'espère qu'elle fera son temps. Tout le monde a son mot à dire. Il y en a un qui nous dit, il s'appelle Souverainiste Aguerri. Non, Souverainiste Guéri. Et puis c'est un souverainiste qui a été guéri. Et puis son icône, c'est un drapeau du Canada. Il dit, foutez-lui la paix, les vrais coupables sont les administrateurs et les comptables qui ont approuvé son mode de vie en autorisant les factures de cette dernière. Ouais, il y en a un autre qui dit, faut croire que l'arbre était malade au complet. Êtes-vous un membre de sa famille qui s'ennuie de ses largesses? Trop facile de dire que c'est de la faute des autres. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a volé. Maintenant, qu'elle paie sa dette à la société comme n'importe quelle autre voleuse. Ben, c'est un peu vrai, hein? Sinon, on a l'Université Laval, semble-t-il, qui est parmi les 10 meilleurs employeurs du pays. L'Université Laval se classe parmi les 10 meilleurs employeurs du Canada, selon un nouveau classement réalisé par le magazine Forbes. Ce palmarès réalisé pour la première fois cette année a été élaboré à partir de résultats d'un sondage auquel ont participé 8000 employés permanents qui travaillent pour des organisations et 500 employés et plus, pardon. On l'a alors demandé s'ils recommanderaient leur entreprise ou institution à un employé potentiel et quelle était leur perception des autres employeurs dans ce secteur. Avec une cote de 9,2 sur 10, eh bien l'Université Laval se classe au 10e rang de ce palmarès qui est dominé par BC Hydro, Vancity, ABB. Et de son côté, l'Université de Montréal arrive au 19e rang alors que Bombardier Transport occupe la 22e place. Ce palmarès comprend 250 employeurs dans 25 secteurs d'activité. Ce que je comprends pas, par contre, c'est que sur l'affiche, ben, on me semble que c'est pas la tour de Radio-Canada, ça? En tout cas, non, ça doit être l'Université Laval. Peu importe. Les 10 meilleurs employeurs du Canada, selon Forbes, eh bien, le premier, eh bien, c'est chez BC Hydro, donc le Hydro-Québec du BC. Van City, je sais pas c'est quoi. ABB, je ne sais pas non plus. Ubisoft, Costco. L'Université de Guelph, ça, c'est à Toronto. Metro Lynx, Toronto Hydro, Google Canada et l'Université Laval en 10e position. Les saviez-vous, ça c'est quand même assez intéressant, hein? Saviez-vous que les enfants du ministre de l'Éducation fréquentent l'école privée? Eh bien oui, le nouveau ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, qu'on a bien connu ici à Trois-Rivières alors qu'il était adéquiste, hein? C'est un transfuge. Eh bien, ses enfants fréquentent une école privée et il a affirmé qu'il ferait tout ce qu'il faut pour maintenir ce réseau. C'est ce qu'il a indiqué mercredi matin sur les ondes du FM 93 au micro de Sylvain Bouchard. Ben oui, il a dit « C'est vrai que mes enfants vont à l'école privée, M. Bouchard. Ils y sont depuis même avant mon retour en politique. Vous savez, mes enfants ne font pas de politique, leur papa en fait, mais eux n'en feront pas. Puis c'est pas parce que je suis devenu ministre de l'Éducation que je vais les prendre du milieu de vie dans lequel ils réussissent et s'épanouissent pour les envoyer ailleurs », a-t-il d'abord affirmé, avant d'ajouter qu'il croit à la composante privée dans le réseau de l'éducation. Eh bien oui, mais ça, j'avoue que c'est quand même étrange, hein, quand t'es ministre de l'Éducation puis tu crois pas même pas, toi, en ton propre système, c'est quand même assez particulier. Il ajoute « Je vous le dis très honnêtement, cette question-là, je vais la vider tout de suite », a-t-il ajouté. « J'ai une responsabilité à l'égard du réseau de l'éducation. Je vais défendre le réseau, je vais défendre l'école publique, je vous le dis avec toute vigueur qui est la mienne. Mais on a une composante privée et je vais tout faire ce qu'il faut pour la maintenir parce que la liberté de choix, je crois encore à ça, à moi, dans la vie. Ma conjointe et moi, on a choisi d'envoyer nos enfants là pour des raisons qui ne vous concernent pas, qui ne concernent pas les autres, qui ne font que dans le milieu de vie où sont mes enfants, c'était le meilleur endroit pour qu'ils puissent s'épanouir. » Quand même, hein? Interrogé à savoir s'il y avait trop de fonctionnaires au ministère de l'Éducation, M. Proulx a par ailleurs admis qu'il ne connaissait pas leur nombre, puisqu'il a été nommé il y a à peine 2 jours, ça on peut comprendre. Il s'est engagé à faire le tour du ministère afin de mieux comprendre avec qui il travaille et quels sont les résultats afin de s'assurer qu'on donne le meilleur service pour les gens qu'on embauche. M. Proulx a aussi défendu l'abolition des commissions scolaires alors qu'il était député de l'Action démocratique, hein, la DQ, et a par ailleurs indiqué qu'il n'y aura pas d'abolition des commissions scolaires à court terme. Peut-être un jour, mais pas à court terme. Le projet de loi 86, qui prévoit l'abolition des élections scolaires et un plus grand pouvoir pour les parents et davantage d'autonomie pour les directions d'école, pourrait faire l'objet de bonifications, a-t-il ajouté. Une histoire à suivre. Bon. Tiens, restons dans le domaine de l'école. Pourquoi certains parents n'ont pas hâte à la semaine de relâche? Eh bien oui, si les tout-petits raffolent de cette semaine bénie loin des devoirs et des leçons, certains parents en font des cauchemars et même de l'insomnie. Voici pourquoi l'idée de passer une semaine de relâche en famille effraie plus d'un. Premièrement, il faut tout planifier, tout, mais trop planifier, hein? Organiser les congés avec le boulot, c'est pas toujours évident. Les enfants, des fois, ne peuvent pas se garder tout seuls, sont trop jeunes. Il faut trouver des activités en plus pour occuper la marmaille, parce qu'en 2016, les enfants sont pas capables de s'organiser tout seuls. Nous autres, quand on était jeunes, ben, on s'organisait, on allait jouer dehors, puis on n'avait pas besoin de grand-chose, des Legos, un ballon, une vieille console, parce qu'à l'époque, c'était des consoles ordinaires. Ben, on s'amusait, mais on restait pas tout le long sur la console pendant la semaine. On n'était pas aussi lâche que ça. Hein? On peut pas rester dans la maison toute la semaine. On culpabilise parce que les petits ont regardé 3 films durant la journée et surtout 3 fois le même film. Hein? Ça compte pas pour un seul. Les parents aussi sont en maudit après la semaine de relâche parce qu'on en vient à espérer que les beaux-parents viennent donner un coup de main. Hein? D'habitude, tu veux pas les voir, mais là, tu voudrais qu'ils soient là. Hein? On se rend compte aussi que glisser pendant plus de 20 minutes, c'est surestimé comme plaisir d'hiver. Effectivement. On subit aussi aux premières loges les chicanes entre frères et sœurs à longueur de journée parce qu'ils s'emmerdent. Ils sont pas capables de s'organiser, les enfants, aujourd'hui. Ils sont pas capables de se prendre un livre. C'est pas vrai, hein? Ce que je dis, c'est vrai, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des exceptions. Mais en général, les enfants en 2016 sont pas capables de s'organiser tout seuls. Hein? Et les parents doivent être le bout en train qui doit animer la marmaille et la famille. Et autre petit sujet qui fait chier les parents lors de la semaine de relâche, c'est qu'on peut aller au cinéma en famille, mais soyons honnêtes, Alvin et les Chipmunks est rarement le premier choix des parents cinéphiles. On assiste à des spectacles pour enfants au risque de monter sur scène nous-mêmes. Et toutes ces sorties, ça finit par coûter assez cher, surtout quand on vient à peine de rembourser les cartes de crédit pour le temps des fêtes. Et surtout si on doit prendre des congés de travail parce qu'on n'est pas capable de trouver personne pour s'en occuper des kids. Même justement, des fois, on doit amener les enfants avec soi quand on fait des courses, quand on va travailler, etc. On fait de beaux plans pour la journée pour se rendre compte qu'aucune des activités n'intéresse les enfants. Et finalement, on ne sait plus quoi inventer comme activité pour épater les autres parents au retour du congé. Flavie et moi, on a pris ça relax. On est allé faire du deltaplane en Nouvelle-Zélande. Génial! Sur ce, eh bien, on va aller tout de suite en musique. Et comme c'est très, très blanc dehors, on va écouter la pièce « Blanc » de Fanny Bloom. Restez là. Si tu veux reprendre le fil de nos sentiments, je te dirai sois prudent. Mon amour à moi est grand. Si la maison brûle dans mes rêves souvent, c'est parce que j'ai peur pour toi. Tu as encore peur de moi. Pourtant j'ai tout repas. Charmante Fanny Bloom. Vous êtes bien dans le dîner de cons avec Danny Janvier et on continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Des écouteurs jouissifs. Quand même, le titre nous accroche, ça c'est clair. En plus, moi qui fais de la musique et qui écoute beaucoup de musique, qu'est-ce que c'est que ces écouteurs, ces nouveaux écouteurs qui permettraient donc aux mélomanes de vivre une expérience sensorielle se rapprochant de l'orgasme ou presque? Selon le site musical Consequence of Sound, eh bien, des écouteurs bientôt disponibles sur le marché achemineront de la dopamine au cerveau pendant que vous écoutez de la musique. Si vous aimez la musique au point de ne rien faire d'autre quand vous écoutez votre album préféré, vous pourriez donc vous laisser tenter par cette nouvelle gamme d'écouteurs futuristes. L'utilisateur pourrait ressentir le même effet qu'un orgasme ou toute autre activité stimulant notre montée d'euphorie au cerveau. La compagnie Nervana commercialisera ses appareils stimulants vendus au coût de 299 $ US. Nervana se spécialise dans la production de dispositifs électroniques permettant de diminuer le stress. La dopamine est le neurotransmetteur véhiculant l'euphorie et toute sensation plaisante au cerveau. Son effet se ressent surtout pendant les activités procurant le bien-être, que ce soit manger une crème glacée, assister à un concert ou faire des galipettes sous la couette. Dans une entrevue accordée au site Futurism, eh bien, Amy Brennan, fondatrice de Nervana, expliquait comment fonctionnent les écouteurs. Nous avons un appareil qui envoie un signal électrique à travers le canal de l'oreille pour stimuler la libération de dopamine dans votre cerveau. Il y a un signal électrique qui est jumelé avec la musique. Il suit le rythme de la musique et il le rend vraiment agréable. Grâce à un écouteur conducteur, il envoie un message par le nerf vague de votre oreille, qui envoie à son tour un message au cerveau pour libérer la dopamine, votre neurotransmetteur de bien-être qui se produit naturellement dans le cerveau. Amy Brennan a également précisé au site Mic que ces écouteurs provoquent une telle réaction sensorielle qu'il faut à tout prix de les utiliser lors de la conduite d'un véhicule. Elle va même jusqu'à suggérer d'attendre 30 minutes pour prendre le volant lorsque vous en faites l'expérience. Ben, attendez-moi, parce que moi, j'en veux des écouteurs comme ça. J'aime tellement la musique que pourquoi pas se droguer par la musique et tout ça de façon tout à fait légale et sans prendre aucune substance, seulement en écoutant de la musique. Donc, c'est la compagnie Nervana qu'il faut surveiller. Moi, je mets un petit astérix à côté de cet article parce que je veux vraiment en savoir plus sur cette nouvelle gamme d'écouteurs. Vraiment génial. Un couple se marie dans un bassin rempli de requins. Ben oui, chacun ses passe-temps. Hein? Pour certains couples, il n'y a rien de plus ennuyant qu'un mariage traditionnel. Voilà pourquoi les Reynolds ont décidé de se passer la bague au doigt dans un des endroits les plus cocasses qui soient. Dimanche dernier, donc, les Reynolds ont invité famille et amis à l'aquarium de Géorgie aux États-Unis pour qu'ils participent à une cérémonie de mariage assez hors du commun, oui, il faut le dire. Les amoureux, vêtus de leurs plus beaux atours, ont plongé dans un bassin rempli de requins-baleines et de raies-mantas. Afin de se dire « oui, je le veux ». Les requins-baleines, c'est bien gros, mais c'est pas dangereux du tout. Au moins, il y a ça. Et les raies-mantas, à part quand t'es Crocodile Hunter puis que tu vas jouer avec puis que t'es dérange, d'habitude, c'est pas dangereux puis ça tue personne. Alors, au moins, il y a ça. C'était pas... Moi, je pensais qu'il y avait des grands dangers, mais non. Et je les cite, eux, ils disent « nous avions jamais pensé à nous marier dans un aquarium, mais c'est un mélange parfait entre notre amour et notre passion pour la plongée », a expliqué Crystal Reynolds, la dame, au USA Today. La fête s'est poursuivie dans une salle à proximité de l'aquarium. Très original, tout ça. Trois femmes ici que je vous présente qui sont les plus riches d'Australie, ces demoiselles. Donc, en date d'aujourd'hui, les deux personnes les plus riches d'Australie sont des femmes. Selon le magazine américain Forbes, la troisième femme la plus fortunée du pays se retrouve, elle, au 12e rang du classement du palmarès. Je vous les présente immédiatement. Je vous parle de Blair Perry Okoden. Elle est à la tête d'un empire médiatique. Sa fortune, 10 milliards US. Blair Perry Okoden, âgée de 65 ans, détient une fortune estimée à 10 milliards. Elle est une riche héritière américaine qui a grandi à Hawaï et qui a déménagé en Australie il y a plusieurs décennies pour rejoindre son ex-mari. Elle vit en quasi-isolement à Scone, un village rural connu pour ses élevages de chevaux. Après la mort de sa mère en 2007, elle a hérité d'un quart du conglomérat des médias américains Cox Enterprises. Son grand-père, deux fois gouverneur de l'Ohio et candidat démocrate, défait à la présidentielle américaine en 1920, a fondé cette entreprise. Son frère, Jim Kennedy, gère l'empire familial. Pour sa part, Blair n'occupe aucun rôle au sein de l'entreprise. Ben oui, elle se laisse vivre, elle a les moyens et c'est tant mieux. Sinon, en deuxième position, je vous parle de Gina Reinhardt. Elle fait sa fortune dans l'industrie minière. Sa fortune, 9,4 milliards de dollars. Née le 9 février 1954 à Perth, en Australie, Gina Reinhardt est une femme d'affaires australienne et héritière de l'empire Hancock Prospecting, spécialisée dans le minerai de fer. Elle est devenue en 2012 la femme la plus riche au monde avec une fortune estimée à 30 milliards d'euros, surpassant Christy Walton, qui est l'héritière de l'entreprise Walmart. L'an dernier, la fortune de Gina Rinehart a chuté de plusieurs milliards de dollars lorsqu'elle a finalement accepté de céder le contrôle du trust familial à ses enfants. Ces derniers avaient engagé une poursuite en justice à son encontre car leur mère avait fait en sorte de repousser cette transmission jusqu'en 2068. Pas nécessairement gentille, la demoiselle, hein? Et maudit qu'elle est aussi, en tout cas. Hein? L'argent, ça fait pas que t'es beau, ça, c'est sûr. Hein? Et finalement, la troisième dame la plus riche d'Australie, eh bien, c'est Fiona Geminder, qui a fait son cash, elle, dans les emballages plastiques. Donc, âgée de 51 ans, Fiona Geminder est la troisième femme la plus riche d'Australie avec une fortune estimée à 2,1 milliards de dollars US. Avec son mari Raphaël, elle détient 40% de l'entreprise Pact Group, dédiée aux emballages plastiques. Elle a également des parts dans la compagnie d'emballage de recyclage de la famille Vizy avec sa sœur Héloïse Waislist et avec son frère Anthony Pratt, la cinquième personne, elle, la plus fortunée d'Australie à l'heure actuelle. Donc, elle est quand même moins riche que son frère. Alors que beaucoup de personnes très fortunées aiment faire l'étalage de leur richesse, Mme Geminder n'a presque aucun profil public. Elle ne donne pas d'interview et il y a très peu de photographies de cette dame. Elle aime la discrétion, ce qui est rare quand même chez les gens très riches. Sinon, Sofiane. Eh bien, Sofiane, c'est ce Français qui est dans le coma en Thaïlande. Eh bien, il est activement recherché par la police. Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes se mobilisent pour venir en aide à Sofiane, un jeune homme de 25 ans plongé dans le coma en Thaïlande. Ce Français, originaire de Tourcoing, a été victime d'un accident de scooter au cours de ses vacances à Phuket. Problème pour le rapatrier en France, les autorités thaïlandaises ont demandé 75 000 euros à sa famille. Pourquoi une somme aussi importante? Incapable de fournir une telle somme, cette dernière a alors lancé une cagnotte litchi qui se révèle payante. En ce mercredi 24 février, elle s'élève déjà à plus de 80 000 euros. Seulement voilà, tout n'est pas rose. Selon le quotidien Le Nord Éclair, Sofiane Mamèche est défavorablement connue des services de police. En 2013 et 2014, il aurait notamment été impliqué dans plusieurs affaires de trafic de stupéfiants et de vol avec violence à Tourcoing. Plus récemment, il aurait été interpellé dans le cadre d'une enquête sur un important trafic de voitures. Mais ce n'est pas tout, puisque le jeune homme est actuellement recherché par les policiers belges dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. L'une de ses connaissances a d'ailleurs été interpellée mardi à Bruxelles, alors qu'elle était sur le point de partir, elle aussi, pour la Thaïlande. Un casier judiciaire conséquent, dont sa famille a connaissance, et je le cite, « Oui, il a eu de petits soucis avec la justice, mais c'est un être humain. On arrive bien à rapatrier des prisonniers. Pourquoi pas lui? » Et s'il y a un problème avec la justice, il le réglera plus tard. C'est ce que reconnaissent les proches auprès du journal Le Nord Éclair. Une histoire à suivre. Un homme ici surprend sa femme avec un autre homme et lui arrache la peau des testicules. Oh, il a arraché la poche! Non, mais quand même, ça n'a pas de sens. Violence totale. Le 24 octobre dernier, dans le quartier de Saint-Hubert à Tenneville, en Belgique, un homme a surpris sa femme en plein ébat sexuel avec son amant dans le lit conjugal. Foudrage, le mari cocu s'est alors jeté sur son rival pour le frapper et lui arracher la peau des testicules. Et il s'est ensuite pris à sa compagne qu'il a aussi frappé avant de lui enfoncer le caleçon de son amant dans la bouche. Profitant d'un moment d'inattention, l'amant a réussi à prendre la fuite en courant, gravement blessé aux testicules. Il a traversé une partie de la ville nu. Il a finalement été admis aux urgences de l'hôpital où il a dû subir une opération. Mais cette affaire a été jugée mardi devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel. Le verdict sera connu dans les prochains jours, comme l'indique le quotidien La Meuse. Ça aussi, on aura sûrement plus de détails plus tard ou pas, hein? Des fois, c'est des histoires qu'on oublie après parce que le choc de la nouvelle est déjà passé. Maintenant, ici, je vous parle de la palme de la débilité qui est attribuée à cette candidate de l'émission française, une émission de télé-réalité. Ça s'appelle Marseillais South Africa. Sérieusement, c'est très, très, très drôle. Attends un petit peu, on peut-tu l'écouter? Deux secondes, y a-tu une pub? Non, y a une publicité, ça c'est sûr, y a toujours une pub. Donc, c'est Jessica, qui est une candidate de l'émission Les Marseillais sont Africa, qui fait beaucoup parler d'elle hier, car lors d'un épisode diffusé sur la chaîne W9, la blonde au sein très refait, oui, s'est illustrée par son manque de culture. Tout juste installée dans la maison, la jeune femme s'est interrogée sur la présence de nombreux tableaux qui étaient à l'effigie de Nelson Mandela. Ils sont en Afrique du Sud. Personnage emblématique qu'elle ne connaissait visiblement pas. Alors, on va aller écouter qu'est-ce qu'elle dit, deux secondes. Si vous ne comprenez pas, peut-être qu'on verra après, je vous le dirai, deux secondes. On écoute. C'est qui ce mec qui est partout dans notre maison sur les tableaux, là? C'est qui ce mec? Tu n'as pas demandé ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais si, c'est vrai que dans la maison... La fille a dit, tu n'as pas demandé ça, je t'en supplie. Il y a des tableaux de mecs. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de cultivage, donc du coup, ben voilà, je sais. Avez-vous compris ça? Elle dit, je demande à Steph parce que Steph est pleine de cultivage. Elle a vraiment dit, Steph est plein de cultivage. Ça, c'est être cultivé pour cette femme ridicule. Vraiment. Donc, on continue. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de cultivage, donc du coup, ben voilà, je veux savoir ce que c'est, qui c'est. Tu sais qui c'est qu'on dirait, lui? On dirait... L'acteur américain, là, tu vois qui je veux dire? Il a la même tête, tu vois qui je veux dire? L'acteur américain, là. Pour moi, c'est l'acteur américain qu'on voit dans les films, et je comprends pas ce qu'il a à faire un acteur américain en pleine Afrique, quoi. Si, le vieux, il est vraiment étonnant, qui fait plein de films. Mais je sais pas qui je veux dire, c'est la même... L'autre est complètement découragée, elle veut pas répondre à ça. Comment il s'appelle? Mais un peu, j'ai au bout de la langue, attends, je vais le sortir. C'est dur d'être la copine de Jess, quand même, des fois. Il dit c'est dur d'être... Elle dit Jess, c'est dur d'être la copine de Jess. Moi, je te le dis, là. Ah, c'est le même, c'est Nelson Mandela, je sais pas quoi. C'est parlé. Nelson Mandela, je sais pas quoi. Et puis à la fin... Pas possible. Chérie, Nelson Mandela, arrête un peu. Mais ça va, c'est pareil. Ah, c'est lui? Donc maintenant, je sais qui c'est Raphaël Mandela qui est sur tous les tableaux. Donc, c'est Raphaël Mandela. Elle vient d'y dire. T'sais. Non, un petit peu de difficulté. Sinon, restons dans les Boombi ou les Boomba ou les... comment qu'on dit ça? Les Boombo. Les Boombo. Restons dans les Boombo. Je vous présente, messieurs, mesdames, le shooting. Ah oui, ultra sexy de Beau Krishmanovic. C'est le top modèle serbe Beau Krishmanovic qui a été invité à poser sur les plus belles plages de Tahiti pour le magazine américain encore Sport Illustrated. Ça doit tellement être plate pis dur d'être photographe pour le Sport Illustrated, hein? Une vie, là, une vie de misère. Donc, je vous invite à découvrir ce making-of ultra sexy du shooting en vidéo. Un conseil, pensez à activer la haute définition afin d'apprécier encore mieux le spectacle. Effectivement, allez voir ça. Et sinon, on va se quitter cette demi-heure. Hein, on va aller vers une pause publicitaire. Il sauve la vie d'un lapin en lui fabriquant une chaise roulante. Donc, blessé par un autre lapin à sa naissance, c'est un petit bébé lapereau qui a été victime d'une paralysie des deux pattes arrière. L'animal était condamné à mourir, mais c'est sans compter sur l'amour et l'ingéniosité de son propriétaire pour lui offrir une petite chance de survivre. Il a tout simplement eu l'idée de lui fixer un mini skateboard aux pattes. Et puis, ça marche. Allez voir la vidéo, c'est bien sympathique. On parle ici cinéma. Vous connaissez sûrement ce célèbre film de 1991, hein, Le silence des agneaux. Donc, je vous envoie 10 choses à savoir absolument sur ce classique de l'horreur. Donc, avec son ambiance glauque et ambiguë à la frontière entre le film policier et le cinéma d'horreur, Le silence des agneaux a profondément marqué le monde du cinéma comme celui de la culture populaire. Hein? On le sait, ça a été repris en référence dans plusieurs, autant des comédies que dans Les Simpsons ou autres. Pour souligner le 25e anniversaire de sa sortie en 1991, je vous envoie ici 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur le film culte de Jonathan Demme. Premièrement, la réalité qui dépasse la fiction. Le silence des agneaux est le deuxième des 4 romans mettant en vedette Hannibal Lecter. Pour l'intrigue, l'auteur Thomas Harris s'est basé sur l'étrange et véridique collaboration entre le criminologue Robert Keppel et le tueur en série Ted Bundy, qui a prêté main forte aux autorités depuis sa cellule pour tenter de découvrir l'identité de l'infâme meurtrier de Green River dans les années 80. Le courrier des Lecter, Lecter comme Hannibal Lecter, avant même sa publication en 1988, eh bien, Gene Hackman achète les droits du Silence des agneaux avec l'intention de réaliser le film et lui-même d'y interpréter Hannibal Lecter. Mais suite à sa participation au long métrage Le Mississippi brûle, l'acteur renonce à jouer d'autres personnages violents et abandonne le projet. Ed Harris, Patrick Stewart, Jeremy Irons et Jack Nicholson ont tous été pressentis pour jouer le rôle d'Hannibal Lecter. Un titre assez ambigu, hein, quand son agent lui téléphone pour lui proposer de jouer dans Le silence des agneaux, eh bien, Anthony Hopkins pense tout d'abord qu'il s'agit d'un film pour enfants. Pour se préparer au rôle, l'acteur visite des prisons et assiste même au procès de quelques meurtriers. Il s'inspire également du comportement des reptiles, ce qui explique son interprétation assez monocorde et le fait qu'il cligne si peu des paupières et des... Quand il fait ça, hein, ça c'est... il a faim dans ce temps-là. Des tas de Clarisse. Selon le réalisateur Jonathan Demme, près de 300 actrices se sont manifestées pour décrocher le rôle de Clarisse Starling, l'agente du FBI. Premier choix du cinéaste, eh bien, c'était Michelle Pfeiffer, qui refuse de participer au film parce qu'elle se sent mal à l'aise devant la violence extrême du scénario. Une comédienne peu connue à l'époque, du nom de Halle Berry, se plaindra de ne pas avoir été engagée à cause de la couleur de sa peau. Eh bien oui, c'est de même. Une femme dans un monde d'hommes, la production du Silence des agneaux a bénéficié de la collaboration du FBI et de son groupe des sciences du comportement, ce qui explique la facture très réaliste du long métrage. Jodie Foster a d'ailleurs suivi des cours à Quantico avant le tournage. En plus de participer à l'entraînement des recrues, le FBI espérait que le nombre de candidatures féminines augmente après la sortie du film, mais on ignore toujours si cela a fonctionné. C'est un film court mais intense, ou en tout cas on ne sait pas, mais c'est court et intense. Bien que leur relation soit au cœur même de l'intrigue, seulement quatre scènes du Silence des agneaux montrent Clarisse Starling et le docteur Hannibal Lecter ensemble. Anthony Hopkins ne dispose au total que de 16 minutes à l'écran, ce qui en fait la deuxième plus courte performance de l'histoire à recevoir un Oscar après les 15 minutes et 38 secondes de David Niven dans le film Table Séparée ou Table Séparée. Ça doit être Table Séparée, désolé. Buffalo Débile, qu'est-ce que c'est? Ah oui, le personnage de Buffalo Débile est... Non, oui, Buffalo Débile, c'est le personnage de Buffalo Bill, pardon. C'est un amalgame de trois tueurs en série ayant vraiment existé. Ed Gein, qui fabriquait des rideaux, des gants ou des abat-jours avec la peau des personnes qu'il assassinait. Ted Bundy, qui portait souvent un faux plâtre ou des béquilles pour attirer ses victimes. Et Gary and Nick, qui enfermait les femmes et qu'il kidnappait dans une sorte de puits creusé, à même son sous-sol. Ah, c'est pour ça qu'on dit Buffalo Débile, mais le personnage s'appelait réellement Buffalo Bill. Attends un petit peu. Ici, de chrysalide à papillon. Sur l'affiche, le crâne de squelette sur le dos du papillon est en fait une photographie de Volupta Mort, une œuvre de Salvador Dali, où sept femmes nues sont allongées dans une position évoquant la tête de mort. Effectivement, on se rappelle de cette peinture. En tout cas, moi, je l'ai vue à quelques reprises. Comme s'ils étaient placés dans la gorge des comédiens et risquaient d'être avalés. Les chrysalides du Silence des agneaux ont été fabriqués à partir d'oursons en gelée et de Tootsie Roll. Donc, des petits gummy bears, quand même, assez particuliers. C'est un drôle de couple aussi. Bizarrement, Le silence des agneaux est sorti au cinéma le 14 février 1991. Il s'agit d'un choix assez douteux pour la Saint-Valentin. Un couple plutôt particulier s'est formé sur le plateau. En effet, Ted Levine, qui interprète James Gumb, qui est alias justement le Buffalo Bill de tantôt, et l'actrice Brooke Smith, qui joue Catherine Martin, qui est sa victime finalement enfermée dans le sous-sol, ont connu une brève idylle durant le tournage. Eh bien oui, hein, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm sans l'être réellement. Et le Seigneur des Anneaux et non le Silence des Agneaux. Eh bien oui, le Silence des Agneaux est seulement le troisième film de l'histoire du cinéma à remporter 5 Oscars les plus importants. Meilleur acteur, actrice, meilleur scénario, meilleure réalisation et meilleur long métrage. Après New York, Miami et Vol au-dessus d'un nid de coucou, la version d'Hannibal Lecter jouée par Anthony Hopkins trône en première position de la liste des 100 meilleurs vilains de tous les films, de tous les temps. Et ça a été compilé par le American Film Institute. C'était 10 faits que vous ne connaissiez probablement pas sur ce classique du cinéma d'horreur. Hein? C'est bien. Vous allez pouvoir dévorer les grands auteurs et des jeux de mots. OK. Une réalisation artistique, une installation, c'est quoi? À défaut de leur bouquin, vous pouvez désormais dévorer leurs portraits. Shakespeare, Tolstoy et Dickens n'ont qu'à bien se tenir, représenter leur visage avec des morceaux de poire, du pain et du riz. C'est l'idée de Christian Kjellstrup, un éditeur norvégien. Une idée originale qu'il a eue lors d'un déjeuner alors que certains aperçoivent Jésus dans une crêpe. de la pareidolie, ça, hein? L'éditeur lui a découvert le visage de l'écrivain portugais Fernando Pessoa dans un plat de saucisses grillées en août dernier. Lorsque nous déjeunions au travail un vendredi, eh bien, c'est apparu, j'ai vu Pessoa dans une saucisse. J'en ai parlé, j'ai pris des sauces, un wrap, une assiette et j'ai créé Paulsa, confie-t-il au quotidien britannique. Pourquoi Paulsa? Eh bien, car Christian Kelstrup ajoute une difficulté à la création de ses portraits, trouver un aliment qui permet un jeu de mots avec le nom de l'auteur. Pour Fernando Pessoa, aucune traduction n'est possible. Pulse est le nom du plat qu'il s'apprêtait à déguster, une sorte de hot dog fait avec un wrap. OK. Depuis, Christian Kelstrup a créé plus de 100 portraits aujourd'hui regroupés dans un livre qu'il a lui-même édité et publié en décembre dernier. C'est Onrin's Cookbook. L'artiste improvisé a confié au journal anglais The Guardian avoir déjà vendu plus de 2000 exemplaires. Contrairement à la plupart des œuvres d'art, les portraits de ce Norvégien sont très éphémères. Mes enfants ont mangé la plupart de ces portraits, a-t-il raconté à ses collègues. Agatha Lacristi. Oui, la traduction ne fonctionne pas avec la célèbre auteure de polar britannique. Son portrait est réalisé à base de réglisse. Pourquoi il n'a pas pris des biscuits Christie? Mais bon, on dit que le mot réglisse se dit lacrisse, donc lacristie, lacrisse en norvégien. Épicure, eh bien oui, Épicure, c'est le portrait du philosophe Épicure réalisé à base d'épluchures de pommes. Vraiment, ça, c'est très, très bien. Il y a Margaret Atwood, donc Margaret Epinatwood, donc faite avec des épinards. L'écrivaine et poétesse Margaret Atwood, faite d'épinards. Platon, lui, ça pourrait être Platon, mais avec du thon, hein, T-H-O-N, un portrait à base de thon pour le disciple de Socrate. William Shakespeare, c'est Shakespeare, le plus célèbre des auteurs britanniques. Parce qu'en anglais, on dit une peer, hein, on l'appelle comme ça, une poire. Donc, Shakespeare, le plus célèbre des auteurs britanniques, qui a été créé à partir d'une poire. Socrate, eh bien, c'est Socrate, portrait du philosophe en sucre, donc en sucre, sucre fin. Léo Tolstoy, lui, a été fait avec Léon Tolstoy. C'est des toasts qui ont été utilisés pour l'écrivain de guerre et paix. Tous les portraits du Norvégien sont sur Instagram et Facebook. On peut saluer l'idée, mais la réalisation, peut-être, on pourra repasser. William Shakespeare est pas pire. Shakespeare, c'est quand même assez ressemblant. Margaret Atwood, pas si mal non plus. Mais en tout cas, vous irez voir ça. Faites-vous dans votre idée. Peut-être vous aurez envie de manger un de vos auteurs préférés. Une boîte de nuit fait peindre Donald Trump au-dessus de ses urinoirs. Moi, je les aurais mis au fond de la cuvette, non? Mais bon, une boîte de nuit de Winnipeg s'est dotée d'une fresque Donald Trump d'une façon bien stratégique dans les toilettes pour hommes. C'est une immense peinture du visage de Donald Trump avec là où il devrait avoir sa bouche. Eh bien, c'est un urinoir. C'est ce qu'explique Casey Lauren, copropriétaire du District Shop. La murale, qui a été peinte par l'artiste Nereo, montre aussi une sélection de citations assez extravagantes du candidat à l'investiture républicaine. Donc, on nous rajoute... le propriétaire nous dit que c'est un paquet de conneries qui est écrit sur les murs, mais ce sont tous des conneries que Donald Trump a littéralement dit. Selon le copropriétaire de la boîte de nuit, l'œuvre plaît à la clientèle et n'a pas encore attiré les commentaires négatifs. Les gens sortent des toilettes en souriant. Bien sûr, qui pourrait trouver ça négatif? Quand même. Vous connaissez les applications de Face Swap? Eh bien oui, elles cartonnent, mais c'est pas toujours une réussite. Hein? C'est quoi le Face Swap? C'est le nom d'un procédé bien connu des amateurs de photomontage. Il consiste à échanger deux visages entre eux, un genre de mash-up de face, hein? Pour un résultat assez et presque toujours troublant. Né il y a une vingtaine d'années grâce à Photoshop, la pratique connaît un regain d'intérêt ces derniers temps avec l'arrivée d'applications mobiles qui permettent de le faire automatiquement et en temps réel. C'est simplissime, mais pas toujours réussi. Parmi les applications à succès du moment, la plus téléchargée de l'Apple Store payante est Face Swap Live. Mais regardez le Face Swap, écrivez ça dans votre Android Store, le Google Store, Google Play, c'est le même qu'on l'appelle. Je suis sûr qu'il y a quelque chose pour votre téléphone Android aussi. L'application propose de tenir son téléphone face à soi, comme pour un selfie. La caméra frontale allumée détecte les visages et ses traits. Et l'application les mélange toute seule avec une photo en direct avec le mode masque. Vous pouvez arborer fièrement les traits de Donald Trump ou de votre chère et tendre moitié ou bien même celui de votre chat ou d'une citrouille. sans problème. Mais la fonctionnalité la plus troublante de l'application FaceSwap Live reste encore le swap, qui permet d'échanger de visage avec la personne à côté de vous en direct. C'est la première, c'est cette dernière grande nouveauté qui fait rire tant ses utilisateurs. Le YouTuber français Squeezie en a fait une démo dans une vidéo vue de plus de 2 millions de fois et il s'en sort très bien. Tout le monde n'a pas sa dextérité, la preuve dans notre vidéo qui est visible en tête d'article. Il a fallu attendre 2008 pour avoir une première série d'images où le photomontage de traits était enfin convaincant. Et ce, c'était grâce au blog de Nicolas Cage, Nick Cage as everyone, donc Nicolas Cage qui est n'importe qui ou qui est tout le monde, qui s'était entièrement consacré au mélange du visage de l'acteur avec ceux de d'autres célébrités ou avec tout autre objet sans aucun sens et le résultat, pour le moins, était assez satisfaisant. Allez voir ça et puis téléchargez peut-être une application de FaceSwap et amusez-vous donc, hein, ça pourrait être intéressant. Ici, bien intéressant aussi, c'est 10 publicités avec des messages subliminaux sexuels. Ben oui, certains prêtent des intentions un peu tordues aux concepteurs publicitaires, volontaires ou non. Les doubles sens à connotation sexuelle trouvés dans des publicités, ont tout de même le mérite de se faire soulever. Hein? On va aller les relever, comme on peut dire. Une pub de Benson & Hedges, qui est une compagnie de cigarettes, hein, si je me rappelle bien, plus subtile ici, la connotation sexuelle se trouve dans le dos de la madame, à même la main de monsieur. Pourquoi qu'on ne peut pas voir la photo? Moi, c'est ça qui me dérange, là. Attends un petit peu, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'on peut voir la photo? Parce que là, on décrit, mais on ne sait pas de quoi qu'on parle. Attends un peu, crédit photo. Non, tout est bloqué. Si je le laisse, si je fais... faites un petit peu. Désactiver le adblock pour cette publicité, cet article. Je pense que c'est ça le problème en ce moment. Eh bien oui, parce que Benson & Hedges, c'est une publicité. Donc, on recommence, on y va. If you crush a dinch, you spot in the back. Donc, connotation sexuelle se trouve dans le dos de la madame à même la main de monsieur. Ouais, effectivement, on peut imaginer que le monsieur tient presque un pénis dans sa main. On le dira pas, mais on va le dire pareil. Effectivement, c'est assez particulier. Le DJ Flooring. Qu'est-ce que DJ Flooring? C'est un classique de l'effet inversé à 180 degrés. Et seigneur! Effectivement, c'est une dame qui tient une coupe, OK, et qui se touche dans le cou. Si on inverse la photo, eh bien, on dirait que la dame se touche à l'entrejambe assez solidement. Sur lastminute.com, eh bien, la compagnie européenne de rabais touristiques a lancé une campagne assez claire pour la Saint-Valentin cette année. Alors, il est écrit « Savourer les délices de l'Europe pour cette Saint-Valentin ». Et là, on a plein d'images. Comme pour l'Europe, on voit deux boules de... comment ça s'appelle? De pétanque, la pétanque. Et puis, on a un genre de truc très phallique, là, une genre de sculpture qui ressemble même pas à un pénis. On dirait que c'en est un, littéralement. Pour les vacances Air Transat, on peut arguer facilement qu'il s'agit là d'un effet du hasard, mais reste que les rochers sont si suggestifs, ça se remarque tout de suite. Effectivement, vous irez voir ça. Ça aussi, c'est une photo. On dirait que c'est un peu comme dans l'archipel de Mingan. Ou en tout cas, on nous dit ici, c'est le pays de l'Acadie. Alors, c'est des rochers qui sont formés par l'érosion de l'eau, hein, dans l'Atlantique. Et puis les formes, ben oui, ça peut nous rappeler quand même des pénis. Ice Age, ce célèbre film d'animation, hein, eh bien là, on s'éloigne de la pub pour ce petit clin d'œil cinématographique, mais des internautes ont vu le visuel très évocateur de cette scène de Ice Age, où l'écureuil est en pamoison devant une femelle. Et si on se rappelle bien l'écureuil de Ice Age, l'écureuil est sur le dos. Il a des très, très gros yeux, puis son nez, qui est comme recourbé. Et sérieux, la forme de son nez, ça a l'air d'une queue, mais tellement. Et puis ses yeux, ben c'est les deux boules. Et puis en plus, c'est un nez qui est à côté sur une noix, sur un gland. Alors, si vous voyez aucunement le côté subliminal et sexuel d'un pénis ici, ben c'est parce que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, ça n'en prend pas beaucoup. En tout cas, c'est ça. Sinon, chez Coca-Cola, eh bien, les publicités peuvent être vues dans le Business Insider. Celle-là, vous irez voir, les images ne sont pas directement sur l'article, mais il y a un lien vers toutes ces publicités. Entre autres, une publicité de Coca-Cola. C'est une image d'une canette de Coca-Cola qui présente à son sommet une mousse dont la silhouette évoque celle d'une femme nue allongée sur le côté et une autre plus petite encore sur le flanc de la canette. Il faut avoir de bons yeux, mais la ressemblance est vraiment frappante. Pour Palmolive, hein, savon à vaisselle, une publicité de gel douche au premier abord inoffensive, mais qui rend un peu perplexe quand on s'attarde à l'avant-bras. Clairement pas celui de la femme. Vous irez voir. Pour le jeu Need for Speed Underground 2, eh bien, les lumières allumées des édifices en arrière-plan de la couverture de ce jeu formeraient le mot sexe. Oui, c'est vrai. Allez voir. Pour Pepsi, eh bien, les Cool Cans de Pepsi des années 90 avaient aussi l'étonnante propriété de former le mot « sexe » une fois empilé une sur l'autre. Et pour les célèbres petits bonbons Skittles arc-en-ciel, eh bien, cette célèbre marque de bonbons aux fruits a lancé sa saveur explosion de baie. Plusieurs ont remarqué un graphisme qui semblait s'être amusé dans la conception de l'emballage. Vous irez voir ça. Ça laisse un petit rictus très, très sympathique au coin de votre bouche. C'était les 10 publicités les plus... Ben, en tout cas, c'était 10, pas les plus, mais 10 publicités avec des messages sexuels subliminaux et presque pas. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.